vous êtes assez fatigué pour l'écouter. 89.1. C'est fou.ca. Cette semaine, on a Mathieu Planchot. Dans Terre Vigile, la BBC travaille sur le téléviseur holographique du futur. J'ai hâte de pouvoir donner une petite tape dans le dos pour féliciter le travail de Céline Galipeau. Dans Segment Geek Cynix, Samsung présente un nouveau smartphone haut de gamme à clapet. Évidemment, si vous avez un Galaxy Note 7, il se plie en deux lui aussi, mais c'est pas pour la même raison. Et dans Merci Science, guérissez d'une pierre sur les reins avec un tour de montagne russe. Pour Mathieu Planchot, tout de suite. Voici celui qui préfère les montagnes russes. De préférence avec attribut féminin et pas une montagne. Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue Mathieu Planchot et Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui dans la semaine, dans l'émission, oui, de la semaine, c'est le même texte à chaque émission, puis je le rate. Donc dans l'émission de la semaine du 3 octobre 2016, comme toujours, la chronique télévisuelle Television, la chronique de sciences, technologie, médecine, merci science, ainsi que le segment Geek CNX. Dans quelques instants, ce sera le grand retour de la chronique sur les jeux vidéo rétro d'un gamer à un autre avec notre collaborateur Samuel Girard. Mais pour commencer l'émission, on écoute un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et on débute avec un hommage à Legend of Zelda, c'est Link's Awakening Theme, un petit peu de VG Rock, comme on appelle, du video game Rock, par Random Encounter, tout de suite au Mathieu Plante Show. Par Random Encounter au Mathieu Planchot. Maintenant, c'est le moment de réaccueillir, enfin, ça fait longtemps, Samuel Girard. Voici d'un gamer à un autre. Samuel Girard. Hey, Mathieu. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Un petit peu, oui. J'ai pris une petite pause cet été. Puis là, on a pris le temps pour reprendre ça au mois de septembre. Puis finalement, ben, on se ramasse au mois d'octobre. C'est ça qui est arrivé, hein? C'est un petit six mois de vacances, bien. Six mois? Je sais pas. J'ai commencé jusqu'en juillet. Ah, t'as raison. Pas si pire que ça. Je rappelle, on a parlé de l'E3 ensemble. Ben oui. Quelque part là-dedans. Bref, bon retour à toi. Merci beaucoup. Merci de continuer la chronique, c'est vraiment cool. Ben, ça fait plaisir. Je voulais continuer ça. J'aime ça parler un peu de trucs geeks, surtout de jeux vidéo. Absolument, mais justement, on va parler de jeux vidéo ensemble toute la saison parce que la chronique s'appelle D'un gamer à un autre. Oui. De quoi est-ce qu'on parle cette semaine? Je sais pas si tu connais ça, The Best of NES. J'imagine que ça a rapport avec la console de jeux vidéo Nintendo Entertainment System. A été bon. Et le meilleur de. Meilleur pas de. Pas pire en traduction, hein. Mais meilleur de en termes de joueur de NES. Ah, d'accord. C'est ça la différence. C'est ça. C'est pas les meilleurs jeux du NES, c'est les meilleurs joueurs de jeux du NES. Exact, mais les meilleurs joueurs de meilleurs jeux de NES. Ok. C'est le meilleur de tous les mondes. C'est la crème de la crème, moi qui est intolérant au lactose, hein? Ouais, c'est... Attention. Ouais, exact. Donc, si vous allez sur Twitch et que vous vous retrouvez sur la chaîne de quelqu'un qui joue beaucoup à des jeux de NES, et là, vous allez voir, ça va dire le titre de son stream, ça va dire telle personne joue à tel jeu... avec, et là vous allez voir Best of NES. Okay. Donc si vous allez exemple sur ma chaîne, vous verrez pas après le titre du jeu, vous verrez rien d'autre. Ace Gamer Sam est là, étant le nom de ta chaîne, faut quand même que tu fasses un peu bon, de bon, ok, puis oh, si tu veux la plugger. donc Ace Gamer Sam joue à Super Mario 64, ça arrête là. Ouais. Mais vous pourriez avoir quelqu'un que ça va être, exemple, un qui est connu là-dedans au Québec. Donc, Vitendo joue à Ninja Gaiden 2 avec Best of NES. Lui, il va avoir ça de plus. OK. Et son prénom, c'est Vincent, j'imagine, vu que c'est Vitendo. Non, même pas. Oh, on dit que ça arrêtait. Même pas. C'est... Bien essayé, pareil. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est un regroupement. Et quand tu cliques là-dessus, ben, tu tombes sur la page qui regroupe les gens de Best of NES. OK, comme un genre de hashtag. C'est ça, exactement. Mais pour Twitch. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, j'ai devant moi le site web de Best of NES. Donc, vous pouvez aller voir les chaînes de tout le monde. Vous avez tous les événements qui regroupent ça. Et évidemment, pour être actif, c'est qu'ils font des compétitions entre les membres. Donc, on encourage les gens à jouer des jeux de NES, à diffuser avec le hashtag, entre guillemets. Mm-hmm. Là, on va dire hashtag, entre guillemets. C'est pas vraiment des hashtags, il n'y a pas de diagramme. C'est ça. Okay. Donc, avec la mention ouais. Best of NES. Donc, là, ça veut dire qu'ils vont faire un système genre de bracket pour trouver le meilleur du meilleur, des joueurs du meilleur des jeux du NES. C'est à peu près ça. Genre. Parce qu'ils ont une compétition qui s'appelle le Big 20. OK. Ouais. Ça ressemble vraiment à du Big Ten, c'est quoi, au basket? C'est à peu près ça. C'est n'importe quoi, j'ai aucune idée. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais c'est un peu le même principe qu'on peut retrouver dans bien d'autres sports, bien d'autres disciplines, bien d'autres passe-temps. Oui. OK? Parce qu'il y en a qui vont me dire que les jeux vidéo, c'est pas un sport. Qu'est-ce que tu sais en disant ça de même? Ben du monde qui m'ont dit ça. Ben du monde qui ont chialé comme quoi qu'on voulait peut-être ajouter ça aux Jeux Olympiques. Ah, ça va peut-être un petit peu loin, là. Aux Jeux Olympiques? Ouais, avoir du e-sport aux Jeux Olympiques? J'avoue. Puis ça pourrait être exactement la même chose aux Paralympiques. Parce que t'es juste assis en train de faire des jeux. Ah non, ça serait, il manque un bras, je sais pas. Ouais, c'est ouais, plus ça. Plus ça. Si t'as des incapacités à manœuvrer le clavier, c'est impressionnant de la même manière. Oui. Des gens qui ont des handicaps qui jouent à des jeux vidéo, pour vrai, si vous pouvez le faire, là, c'est le fun. Les aveugles qui jouent aux jeux vidéo. On l'a vu, quelqu'un qui a fait Ocarina of Time. Vraiment, oui, en étant aveugle. J'ai déjà vu quelqu'un qui s'était cassé un bras et qui a fait Super Mario 64 à une main. Wow! C'est fantastique. Ouais. Chapeau aux gens qui réussissent à se débrouiller comme ça. Là. Vous me surprenez beaucoup avec vos talents. Oui. Effectivement. Bref, oui, il y a des gens qui veulent amener ça aux Olympiques parce que selon eux, l'entraînement que ça prend... Et la préparation que ça prend, ça demande autant de préparation que quelqu'un qui a un sport aux Jeux Olympiques. Ouais. Ce qui est vrai. C'est juste physiquement peut-être un petit peu moins... Ça dépend sur quel point, c'est qu'il y a... Ben, moi, en tant que tel, jouer longtemps, c'est quelque chose, mais je veux dire, il y a beaucoup de sports que ça te demande... Ça se passe beaucoup entre les oreilles. Mm-hmm. Et les compétitions de jeux vidéo, ça se passe entre les oreilles beaucoup. C'est vrai. C'est de la stratégie, c'est de la préparation, c'est de connaître le jeu par cœur. Et après ça, c'est d'être capable, dans une situation de stress, de gérer ça et de faire performer ton équipe face à une autre. Ouais. Donc, sur ces points-là, je suis d'accord. C'est pas faux, mais en même temps, il faudrait qu'ils ramènent, les échecs, puis qu'il y ait toute une affaire comme ça. Ben, c'est ça. Aussi. Les sports électroniques sont peut-être pas au sommet de la liste des sports qu'on devrait. Ben là, on a amené le golf aux derniers Jeux Olympiques. C'est vrai. Donc, il y a ça. Il y a un moment donné, le billard peut être amené comme discipline olympique. Donc, c'est pour ça que je me dis, si on veut y aller avec des choses comme ça, puis on est rendu à présenter du poker, du billard, des compétitions d'or sur les réseaux sportifs, là, effectivement, le e-sport est rendu diffusé sur certains réseaux. Donc, je me dis, peut-être la prochaine étape, éventuellement, ce serait d'amener ça. C'est peut-être pas obligé d'être dans la même forme parce qu'en même temps que les Jeux olympiques de Rio, c'est ça? Ouais. J'ai tellement suivi ça, là. Oui, excuse-moi. Oui, c'est bien Rio, oui. Enfin, okay. C'est... Moi, j'espérais que tu savais pas c'était où, là. Ben, écoute, je suis quelqu'un qui je suis un maniaque de sport, mais personnellement, les Jeux olympiques, là, j'ai perdu un peu d'intérêt au fil du temps. T'as pas vu les boîtes de Cheerios avec le mot Rio dans Cheerios? Je trouvais ça tellement intelligent. C'était illuminé. Je me suis acheté une boîte de Cheerios, puis il y avait pas ça, c'est la mienne. Rio, ben, c'est sûr que les épiceries où je vais, peut-être que les produits sont un petit peu moins à date que les vraies épiceries. Salut, épicerie de quartier que je ne nommerai pas. C'est bon, c'est bon. Pas de shameless plug. Non, vraiment pas. Ça aurait été un petit peu honteux pour eux, je trouve. Oh, bref, c'est ça. Donc, il y a eu quand même une compétition de e-sports en même temps. C'est juste que c'était en même temps, mais c'était pas. Faisait pas partie des Jeux Olympiques. Ouais, c'est ça. C'est quand il y aura les Patriotes e-sports. Oh, les Patriotes e-sports, peut-être que j'aimerais ça. Peut-être qu'il pourrait y avoir de l'impro aux Olympiques un jour. Oh! Mm. Ouais, parce que des fois, c'est tout qu'un sport, là, malgré certaines personnes. Fin de la parenthèse dans la parenthèse. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est bien, regarde, ça paraît que ça fait longtemps qu'on s'est parlé, parce qu'on est en train de faire une parenthèse d'une parenthèse d'une parenthèse. Donc, je pense que je serais supposé à ce moment-là revenir au Best of Ness. Ben oui, probablement. Et moi, je préfère un gag, donc on coupera ça au montage. Mais non! Ah! Voyons donc, on fait pas ça. Mais non, on garde tout ça. On est habitué de faire des dérapages comme ça. Voyons donc. Donc, Best of Ness sur Twitch. C'est ça. Donc, le Big 20. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que je pense que, si je me trompe pas, la compétition est deux fois par année. Okay. Et on demande aux gens de jouer à 20 jeux du NES le plus rapidement possible. Okay. Et là, les gens s'inscrivent. Ils ont une période de temps pour apprendre les jeux. Mm-hmm. Et après ça, il y a une journée que c'est tout le monde fait la compétition. La plupart des gens qui jouent là-dedans doivent de toute façon connaître les jeux. Oui, parce qu'il faut que de base que tu sois avec Best of NES. Ouais. Donc ça veut dire que tu es un joueur de NES reconnu. C'est sûrement genre un Mario, un Mega Man, un Zelda, un Battletoads. Ok, donc toi tu penses qu'ils vont chercher les grands classiques pour attirer le monde. C'est ce que j'aurais l'impression de penser de peut-être. Non. Mais non, c'est ça. Non. Ouais. On va placer quelques classiques dans le lot. OK, parce que ça prend ça quand même. Ouais. Mais on essaye de toucher à plein de choses de la NES. De l'obscurité, sûrement. C'est ça. Donc, je vais t'énumérer la liste. Ah, ben oui, ben oui. Ça va pratiquer. Donc, ça commençait avec Popeye. Donc, battre un loup. C'est trois niveaux. Ouais. Ça, c'est le jeu à palier qui ressemble un petit peu à un genre de vieux Mario, là. Oui. Mario dans les tuyaux. Là. Ouais, exactement. Ouais. Un peu le même genre. On a RC Pro-Am. Donc, épeler le mot Nintendo. Ça, c'est un jeu de course. Oui, exact. J'ai pas assez joué à RC Pro-Am pour savoir comment on épelle un mot, mais... Ouais, non, c'est ça. Mes connaissances générales de ça vont pas... Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est tant de pistes qu'il faut gagner, puis quand t'échoues, tu recommences au début, je pense. Une affaire de même. Okay. The Great Waldo Search. Où est Charlie? Où est Charlie? Là, ça, c'est n'importe quoi. C'est ça. Okay. Quand je te disais qu'il y avait des jeux, là, qu'il fallait toucher un peu à tout, là... Est-ce que tu peux... Je sais pas, tu sais peut-être pas la réponse, mais genre, tu dois pas pouvoir apprendre. Sûrement qu'ils ont des grilles préprogrammées dans le jeu. Oui, c'est ça. Tu sais à peu près il est où dans le jeu. Exact, mais en tout cas, c'est ça. Milan Secret Castle. Okay. Donc, battre le deuxième boss. Donc, c'est pas, comme tu vois, c'est pas tout le temps de finir le jeu. Non. Des fois, c'est on va te faire une partie de jeu. Donc, c'est ça. Milan Secret Castle, c'est un beau petit jeu plateforme. OK. Personnellement, là, c'est quand même bien. Super Dynamics Badminton. Badminton, c'est du badminton avec un groupe de musique, c'est quoi? Non, non, je pense que c'est juste une petite twist qu'ils ont faite. Donc, gagner un set contre le Canada. Okay. Donc, c'est ça la condition. Super Pitfall. Oh, wow! C'est très bon choix de jeu. Ah ouais, avec les grands trous, les lianes. C'est ça. Et ça, c'est faut finir le jeu. Ensuite, Ice Climber. Ça, c'est le fun. Donc, de faire des niveaux de 1 à 16. Mm. Très difficile. Ouais. Personnellement, j'ai regardé du monde se pratiquer à ça, là, puis j'ai fait... OK, il faut être patient. S'il y a Ice Climber, est-ce qu'il y a Balloon Fight? J'ai hâte de voir ça. J'attends ça. Je vais poursuivre la liste, on verra si t'as raison. Kickle Cubicle. Mm. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi. C'est un des rares jeux de la liste que... Zéro, là. Puis j'ai même pas vu quelqu'un se pratiquer là-dessus. Ah ouais. OK, ça donne une idée, là. Bat Garden Land en incluant le boss. OK. Mighty Final Fight. Donc, battre le crabe. Ça a l'air d'un jeu de combat. C'est un jeu de combat, effectivement. Ensuite, Kirby's Adventure. Oh, le premier. Oui. un des très très bons jeux de Kirby que j'adore. Et ça, c'est se rendre au niveau 3. Ok. Ça, c'est un jeu, je pense qu'il aurait pu faire au complet, mais c'est parce qu'il dure. Le meilleur temps, c'est 58 minutes, je crois. J'imagine que c'est calculé pour que chaque jeu ait à peu près le même temps. Là. Non, c'est calculé pour que le total des 20 jeux, d'année en année, ce soit environ les mêmes temps. Ok. C'est ça. Parce que tu veux pas non plus que les gens, ça leur prenne 9 heures ouais. faire ça. Mmh. On s'entend. Et tu veux que les meilleurs vivent tout le temps autour des mêmes temps. Ok. Ça te donne une idée un petit peu de... Puis je vais te parler un petit peu du classement après. J'espère. Tu vas voir un petit peu de l'ordre de grandeur qu'ils cherchent à atteindre. The Flintstone, The Rescue of Dino and Hoppy. Je savais même pas qu'il y avait un jeu des pierres à feu au NES. Plusieurs. Ah ouais, pour vrai? Oui. J'aimais juste ça. C'est tous des beaux petits jeux de plateforme, excepté que... Qu'est-ce qui me dérange de ces jeux-là, c'est que la physique est pas super. Les sauts, les... Les sauts, le comment que... Tu sais, des fois, tu peux te rendre quasiment avec le pied dans le vide ou sur le bord d'une plateforme, donc c'est ouais. difficile de savoir où sauter. Et t'as beaucoup de sauts que si tu sautes pas au dernier moment, tu te rends pas de l'autre côté. C'est pas Nintendo qui a fait le jeu, hein, parce que les autres, ils l'ont la physique d'habitude. Ben, ça dépend, c'est pas tous les jeux. Ouais, effectivement, ça, c'est une autre compagnie qui a travaillé là-dessus, ça, c'est sûr. Alfred Chicken bat le deuxième boss. Battletoads. Ah, je l'avais dit qu'il y avait oui, ça. Oui, se rendre au Turbo Tunnel sans utiliser de Warp. Et... Donc, l'espèce de petit véhicule que tu te promènes, t'évites les obstacles que j'ai jamais réussi à passer. Là. C'est ça, c'est classique. Les gens sont pas capables de battre ça. C'est exact. Facilement. Mais fallait qu'ils se rendent au moins là, qu'ils battent ça pour terminer le jeu. Donc, ça a dû demander beaucoup de pratique à certaines personnes. Vice Project Doom. Donc, battre le niveau 7-3 plus le boss. OK. OK. Gradius. Ça, c'est un jeu difficile. Donc, battre le niveau 6 en utilisant... Puis vous avez le droit au Konami Code. Ah, oh, wow! Pour donner plus de vie. C'est quoi? Par cœur? Oh, je m'en rappelle pas. Gauche, gauche, quelque chose de même. Je sais pas quoi. C'est quelque chose de même. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, donc, il avait le droit à ça. Puis il fallait qu'il batte le niveau 6. Mais ça, c'est difficile, Gradius. Ninja Gaiden. Mm-hmm. Donc, vaincre Malt. Donc, le 5-4. Donc ça c'est intéressant. Batman, The Return of the Joker. Ouais. Battre le jeu complet. Ouais, j'ai déjà joué à ça. C'est ça. Petit bijou du NES. Ouais. Très bon jeu. Je pense que c'est Batman de Video Game qui est meilleur. Ah, je pense que c'est peut-être celui-là que j'ai. C'est plus celui-là, je pense. Ensuite, Ghost and Goblins. Ouais. Donc, battre un loop. Très difficile, ça, Ghost and Goblins. Je regardais le monde se pratiquer, puis j'étais découragé de voir ça. Je disais, voyons donc! Ouais. Comment ça que vous torturez qu'un jeu de même? Mais ça reste un bon jeu pareil. Je sais pas comment ils faisaient pour trouver comment faire des jeux aussi difficiles que ça à l'époque. En vrai, il me semble, je sais pas, est-ce qu'on a encore ça aujourd'hui des jeux aussi difficiles à battre? Non. Peut-être quelques jeux indie, mais c'est tout. Ouais. J'en reviens pas comme à l'époque, on avait des défis à relever pour ces jeux-là. Ouais. Mais tu sais, on avait un jeu pendant des fois un an, il fallait pas donner un défi. Tu sais, mettons, t'avais juste un jeu à ta fête ou à Noël, genre. Ah, t'étais parti pour longtemps. Ouais. Oui. Oh oui, exact. Ça a été long, moi, faire le tour de Mario Bros 3. Ouais. La première fois. Même avec les avec les whistles. Ah ouais. Non, pas de warp. C'est contre ma religion. Non, mais j'ai fait les deux. Ouais. J'ai même fait un 100%. Mm-hmm. Où là, tu fais tous les Hammer Bros, tous les niveaux. Quand t'as un embranchement, là, tu les fais tous pareil. C'est ça qu'il faut. C'est ça, faire un jeu. Ouais. Battre le jeu, c'est quoi. Exactement. Ouais. T'arrives au monde 8, t'es plus de vie quand tu fais le jeu au long. Fait que. Pas de problème. Ouais. Plein de paix dans ton oui, c'est ça, exact. À la fin, je fais le monde 8. J'utilise des nuages puis des paix partout. Ouais. Ah, il te récompense dans certains tableaux. Tu peux aller dans le ciel avec le P et aller chercher des bonus que tu pourrais pas avoir. Exactement. Ouais. Puis c'est facile en haut, c'est difficile en bas. Ouais. On parfait. Est même. Et le rappel, le clou du spectacle, Metroid, ouais. À terminaux complets. OK. Celui-là, ils l'ont mieux. C'est le seul jeu qui est au complet. Non, il y en a plusieurs, mais c'est des petits jeux rapides, ceux qui sont au complet. Lui, par contre, est plus costaud. OK. Donc, quand même, ça a fait une bonne course. Ouais. Les premiers ont fini dans les alentours de 3 heures. OK. On a un Québécois qui s'est démarqué. Si j'ai bien compris, il a fini 5e. Le classement officiel n'est pas encore sorti. Mm-hmm. OK. Donc, le seul classement que j'ai sur le site web, c'est la course du printemps dernier. OK. Donc, celle qui ont fait le 27 février. Et justement, le gagnant a terminé à 2h47. Mm-hmm. OK. Est-ce que c'était pas la même liste de jeux à l'époque, là? Non, c'était d'autres jeux. Okay. C'était exactement. Donc, il y a des règles à respecter. On oblige les gens à avoir un émulateur particulier. OK, oui, tout le monde au même pied d'égalité. Tout le monde au même pied d'égalité. C'est pas les consoles originales. Oui, c'est super les gens qui n'ont pas de console. OK. Donc, c'est console. Sinon, on t'oblige, ça te prend tel ROM, ça te prend tel émulateur. Telle configuration des touches. Telle configuration. Donc, c'est ça. On met ça pour tout le monde. Ce qui est particulier, j'essaie de voir si elle l'a fait pour la dernière fois, là. Non, ça l'a pas tant fait le dernier coup, mais des fois, là, il y a quelques personnes qui terminent dans les premiers, autour de 3 heures, et à un moment donné, t'as une démarcation, puis t'as les autres qui commencent. Qui sont vraiment plus loin derrière. Ah, c'est ça. Tu veux dire qu'ils commencent, il y a comme un. Ils se chevauchent pas, ils jouent dans le. Non, je parle pour le classement, qu'à un moment donné, il y a comme un trou où il y a personne qui arrive dans ces temps-là, puis là, tout d'un coup, c'est ça. OK. Donc, quand même, tu vois qu'il y en a que. Ils ont vraiment c'est ça. Ils ont vraiment l'âme du speedrunner. Mm-hmm. Puis t'as les autres qui vont être. Après ça, t'as ceux qui vont être bons dans certains jeux, moins bons dans d'autres. Et après ça, t'as ceux qui ont embarqué là-dedans comme défi personnel. Ouais. Que là, eux autres vont peut-être prendre 7-8 heures, mais ils font comme défi personnel. Ouais. Mais c'est ce que je trouve bien. T'as de tout là-dedans. Le peloton en avant, ça doit être ceux qui sont récurrents, qui doivent revenir à tous les. Comment t'appelles ça, les événements maintenant? Oui, c'est ça. Eux, ils vont être réguliers dans plein d'événements. Ils vont connaître plein de jeux. Ils vont avoir le temps d'y pratiquer. Donc, c'est vraiment des vrais de vrais, là. Mm-hmm. Donc c'est un peu... Ceux qu'il faut suivre, ceux qu'on devrait suivre sur Twitch. Là, oui, exactement. Ben c'est des bonnes idées, parce que si vous voulez là-dedans, là, vous avez beaucoup de gens que vous pouvez suivre. Parmi les Québécois, donc moi j'ai des amis à moi qui ont été approchés par Best of Ness. À un moment donné, ils reçoivent un message, puis ils te demandent d'autoriser, puis là, oups, ça vient se rajouter. Ouais. Donc là-dedans, je vais vous dire les noms Twitch, je vous dirai pas leur vrai nom dans la vraie vie là, quand même. Donc il y a Vitendo, que j'ai mentionné tantôt, G-Unit et Super Big Kmart. Donc ça, c'est trois... Oui. Excuse-moi. Non, c'est pas grave. Ok, moi, j'ai entendu, j'ai pas entendu ce nom-là. Ouais, effectivement. ça me fait toujours rire, son nom. Je trouve qu'il est tellement bien choisi. Là. Ça fait référence à plein de belles choses. Ouais. Donc c'est ça. Donc, c'est des gens que je connais personnellement. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres. Là. Ça ne se limite pas. Ils ont beaucoup de gens qui font partie de Best of Ness. Mais de ceux que moi, avec qui je jase régulièrement et que je suis régulièrement sur leur diffusion, c'est ces personnes-là. Donc, c'est plaisant quand tu reçois une invitation comme ça. Ouais. De dire, tu veux-tu faire partie... exemple, Darbian, celui qui a le record du monde à Super Mario. Okay. Donc, lui, effectivement, il fait partie de Best of Ness. Cool. Donc, c'est des exemples comme ça. Évidemment, aussi, le Mexican Runner, qui est après faire... que j'avais déjà parlé, que lui, il veut faire tous les jeux de Ness. Ouais. Donc, lui aussi est là-dedans. Qui est pas rendu loin du tout. On rappelle qu'il était vraiment loin, là. Il a presque fini. Depuis la dernière fois qu'on a parlé de lui, il y a quelques mois. Mais non, mais quand on avait parlé, t'es rendu à 400 quelques jeux. Sur combien? Sur 600 cucs. Ah, j'avoue. 700 cucs. Je pense qu'il inclut des jeux non licenciés, peut-être des jeux importés. Là. Moi, des jeux japonais. Ouais, ah, c'est ça. Donc, okay, quand même pas... C'est ça. Non, il était avancé quand j'en avais parlé. Mais mettons, c'est Best of Ness, pas de Ness. Best of Ness. Le but, mettons, est-ce qu'il y a un but de... Est-ce qu'il ramasse d'argent? Est-ce que... Tu sais, des fois sur Twitch, c'est ça, on ramasse d'argent pour des œuvres, des trucs comme ça. Non, eux, sont pas associés à... Je dis pas que de temps donné, ils le font pas. Ouais. Il y a que pas de bourse donnée non plus aux gens? Ou... Non, j'ai pas vu de bourse non plus. Okay. Faudrait que je vérifie. Peut-être qu'il y a des prix, là. Mm-hmm. C'est... Mais de ce que je vois, quand que je vois dans la liste des règlements, tout ça, il n'y a pas l'air d'avoir de prix. J'ai l'impression que c'est une compétition amicale qui se fait entre eux autres. C'est un défi qui se donne. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a aussi le Best of Ness Marathon qui va avoir lieu, c'est ça? Oui, du 28 au 31 octobre. Ah, c'est bientôt. OK, donc c'est ça s'en vient. Donc je suppose que... Est-ce qu'il y a une liste de jeux qui est demandée? Ou est-ce que... donc ils font un 24 heures, c'est ce qui est dit ici. OK, il y a des courses. Non, il n'y a pas de liste de jeux. Peut-être que les règles sont pas encore sorties aussi. Ouais. Peut-être que là, ils prennent les inscriptions, mais ils font un marathon de 24 heures. Peut-être que les gens diffusent ce qu'ils veulent aussi du NES. Mais pendant 24 heures, vous allez sur les chaînes des gens qui participent et ça va être que du NES. Ouais. Et est-ce que tu as mentionné tantôt là, avec la liste que tu nous as fait, ça s'est passé quand le plus récent Best of NES? Ah, c'était début septembre, ça, j'ai pas dit la date. Okay, donc ça. C'était le 10 septembre, un samedi. Par année. Mm-hmm. Et puis tout le monde commençait à la même heure dans le même coin. Puis ça jouait jusqu'à avoir fini. Wow. Donc c'est ça, c'était bien. Et puis là c'était drôle parce que les gens qui participaient, ben t'allais sur leur chaîne puis ça pratiquait intense les semaines qui ont précédé l'événement. Mm-hmm. Il était motivé là, fallait que l'aller au chocolat, Gatorade pour s'assurer que les muscles puis là, tout ça soit parfait. Exactement. Donc non, j'ai trouvé ça très bien comme idée et c'est bien que ça donne la visibilité en même temps au regroupement. C'est sur une base volontaire, donc c'est pas tous les membres qui sont obligés de participer. C'est pas parce que t'es membre de Best of Ness que t'es obligé de faire des événements de genre. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment, tu t'inscris, tu participes. Et même qu'ils ont, je pense qu'ils ont droit à quelques invités parce qu'on me l'a offert. Ah, pour vrai? Ouais, mais là, par manque de temps, parce que ça aurait été très demandant de apprendre les jeux, j'en connaissais. Oui, un jour, j'imaginais ça, non? Ben peut-être. Ouais. Peut-être un moment donné, défi personnel, pourquoi est-ce que je l'essayerais pas? Ben oui. Mais peut-être quand j'aurais découvert plus de jeux du NES. Parce que dans la liste, à part Metroid puis Kirby, il y a des bijoux là-dedans que tu n'as pas encore. Mais effectivement, il y a plein de bons jeux qui me manquent. Puis j'ai une bonne collection de jeux de NES moi-même. Et j'ai pas joué à beaucoup de jeux là-dedans. Ouais. Donc c'est quelque chose qui manque un peu de mon côté. Mais je trouve ça vraiment bien. Donc qui sait, peut-être qu'à un moment donné, je vais arriver, je vais te dire: Mathieu, je vais participer cette année. Une chronique de plus de déjà prévu pour un jour dans les années à venir. Ou tu vas faire une émission spéciale, tu vas suivre mon cheminement en temps réel. Tellement live, j'avoue que ce serait cool. À place de suivre les keynotes de Apple, l'émission, ça va être best of. Est-ce que Sam va se planter dans tel jeu? C'est le fun. Non, c'est ça. Non, le plus que je vais faire comme prochainement, je suis supposé faire une course de Super Mario Bros. 3. Okay. Donc, contre d'autres trifluviens qui font aussi faire le jeu. Mm-hmm. Donc, à date, on est quatre. Et tout en même temps, on va faire une course, premier qui finit Mario Bros. 3. Pas le droit. Ben là, non. De warp. Maudit. Puis pas de skippage de tableau. Puis de. Non. Pas de. C'est quoi? Qu'est-ce qui te permettait de skipper le tableau? Non, ben, le nuage. Les nuages. Les nuages te font sur les tableaux, mais c'est oui, si on a le droit. Ouais. Ah oui? Oui. Ben oui, on a. Mais oui. Ben oui, on a. Mais oui? Mais non. Hey! Non, c'est comme des principes. Non, mais c'est parce que sinon, c'est quand même 1h30, 1h45, la course, là, même en sautant les niveaux. C'est le fun en maudit, Mario Bros. Soir, regardez. t'aurais dit que la dernière course qu'on a faite, Pokémon Silver. Okay. Et tout ce qu'on avait droit, c'était un guide. OK. Donc, pas de pratique avant. Ouais. Et le premier a terminé en 4h45, mm-hmm. C'est quand même exceptionnel. C'était. Puis écoute, là, c'était. Fallait faire les 8 badges, la ligue, les 8 autres badges de Kanto, plus aller battre Red. Wow. À Mount Silver. Mm-hmm. Écoute, je me suis dit, attends une minute, là, c'est parce que quand j'étais kid, ça m'a pris 30 heures à faire le jeu. Je dis, je voulais vraiment qu'on fasse une course de tout ça. Ouais. Et finalement, avec un guide qui te dit qu'est-ce qui est vraiment primordial pour réussir, puis comment un peu, même si t'as un faible niveau, de pouvoir battre tout le monde. Donc, il y avait quand même des petits trucs comme ça. On a réussi à le faire autour de 5 heures, toute la gang. Mm-hmm. J'ai fini dernier, malheureusement, parce que j'ai fait une erreur majeure à un moment donné. Quand t'as eu une certaine place, tu traverses la mer, puis faut que t'ailles aller chercher un gym, et après ça, faut que tu voles pour revenir. J'ai oublié d'aller chercher le Pokémon auquel je peux y apprendre la technique pour voler. Donc, il a fallu que je revienne à la nage, faire le chemin, refaire la ville, aller chercher le Pokémon, et après ça, voler. Donc, j'ai perdu un bon 10-15 minutes là. Et après ça aussi, quand j'approchais la fin du jeu, on était tous sur émulateur et mon émulateur s'est fermé. Donc j'ai recommencé à ma dernière sauvegarde. Est-ce que t'es sur un PC? Oui. Semblait aussi. Oh, cheap shot. Mais maintenant, maintenant j'ai le jeu et je me suis acheté le Super Game Boy. Ah, waouh, ouais, le Super Game Boy. Fait que là, je vais pouvoir jouer sur console. J'aurais jamais dû vendre mon Super Game Boy. Mais pourquoi t'as fait ça? Ça vaut cher maintenant en plus. C'est tellement la meilleure affaire au monde, le Super Game Boy. C'est génial, c'est fantastique. Mais il faut que tu aies livré qu'à ça de Game Boy. Oui, effectivement. Ouais. Je pense que je vais revenir là-dessus pour la prochaine chronique, mais je viens de m'acheter une New 3DS XL. Oui, avec Capture Card inclus. Wow! Pour pouvoir l'enregistrer sur ton ordinateur. Exactement. C'est malade, faut qu'on se parle de ça. Oui, mais je pense que la prochaine chronique, ça va être ça. Cool. En même temps, je vais pouvoir parler de la différence entre chaque type de 3DS, 2DS, et qu'est-ce que vous devez acheter avec qu'est-ce qui s'en vient actuellement. Génial, parce donc que je pense que ça va être mon prochain sujet. J'aime ça, le nouveau modèle de pas Excel avec les cases de Mario dessus, là. Oui. Je vais l'acheter, je vais me vendre ma... Bon, ben. Hey, j'ai vendu mon Game Boy, tu sais, la série Play It Loud des années 90, oui. Le Game Boy, il y en avait un transparent, j'ai vendu ça parce que je m'en servais plus, puis c'est juste pour des vieilles cassettes, puis j'en ai plus, j'ai vendu ça comme ça, 70$ canadien, c'est clair. Bref. Excellent. Voilà. Donc, les gens qui s'intéressent, vous marquez Best of NES sur Google, c'est le premier site qui vous apparaît. Nice job. Aussi simple que ça. Super. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ça et vous pouvez trouver un paquet de diffuseurs YouTube, Twitch qui font que des jeux de NES nostalgie. Malade. Samuel Girard, enfin de retour. Oui. Dans le show. On te retrouve aux 2 semaines. Exact. Ici à l'émission, bien sûr, Géant Liberté les jeudis matin à 9h30. Et puis les mardis soirs à Matière Noire à partir de 21h. Exactement. Avec Rock Généreux, le nouvel animateur. Oh, ben Colin, que j'apprends des choses. Ça oui. Que j'écoute pas les émissions de métal, là, c'est fou. Rock Généreux. Et puis Alex Marchand, c'est tout? Non, il est plus là. Bon, on s'en reparle. Ben merci, oui. Sam Girard. Ça fait plaisir. Bonne semaine. Pour l'écouter, c'est fou.ca. 89.1. Western Shanghai par Sun Compositions de la part de Midara au Mathieu Plante Show. Et avant la pause, c'était la trame sonore de The Flintstones, The Rescue of Dino and Hoppy sur le NES dans la chronique de Samuel Girard. Maintenant, c'est Television Television. Television, la chronique dans laquelle on parle de télévision, les nouvelles qui sont passées depuis les 7 derniers jours. Commençons au Québec avec la nouvelle, quand même. Le gala des Oliviers et le gala Québec Cinéma, qui avant s'appelait les Jutras, change de saison. Donc, jusqu'ici présenté à la fin de l'hiver, le gala Québec Cinéma sera désormais présenté à la fin du printemps, à partir du dimanche 4 juin 2017. On lance une formule entièrement redessinée pour cette soirée qui a toujours eu du mal à lever, nous dit la presse. Le scandale autour de Claude Jutras, bien sûr, n'a pas aidé l'hiver dernier. On a même dû changer le nom du gala. Qui s'était appelé le Gala du cinéma québécois, qui je trouvais était pas mal plus beau que le Gala Québec cinéma. Le Gala des Oliviers, le Gala Les Oliviers, qu'il faut dire, est quant à lui déplacé à quelques jours du temps des fêtes, à partir du dimanche 10 décembre 2017, donc on saute le Gala du mois de mai. Déjà, les Oliviers auraient dû s'enlever du chemin puisque TVA a reporté son gala artiste à la mi-mai. Il aurait été inimaginable de présenter deux galas le même soir. La dernière présentation des Oliviers avait aussi été marquée par le scandale autour de Mike Ward et Guy Nantel. Radio-Canada reste vague sur les raisons de ce remaniement, sans vouloir donner plus de visibilité aux deux industries concernées. On plaide entre autres que l'humour est un genre prisé à l'approche des fêtes. Tout le monde en parle devait aussi prendre congé pour faire place au gala du cinéma beaucoup moins regardé, nous dit C'est le soleil. Ensuite, on va à Québec, le retour du Comic-Con de Québec les 22 et 23 octobre prochains. Les grands héros et héroïnes de la bande dessinée, des jeux vidéo et du cosplay prendront de nouveau d'assaut le centre des congrès de Québec à l'occasion de la troisième édition du Comic-Con de Québec présenté par Télétoon la nuit. Les créateurs du milieu, des célébrités, des collectionneurs, des détaillants et de fervents amateurs se réuniront donc sous un même toit pour célébrer leur passion commune pour tout ce qui touche à l'univers du fantastique, nous dit TVQC.com. Depuis sa première édition en 2014, le Comic-Con de Québec n'a cessé de gagner en popularité et les organisateurs attendent un nombre record de visiteurs, dont de nombreux costumés en leur personnage préféré. Évidemment, en plus, ça tombe juste avant l'Halloween. Les invités de marque incluent Denis Talbot, alias le pape des jeux vidéo, qui a animé et produit l'émission Monsieur Net pendant 16 ans et dont l'émission Radio Talbot est sur le point de franchir le cap du million de visionnements sur Internet. Yannick Paquette, l'étoile québécoise des comic books américains, dont le trait de crayon habile a donné vie à Swamp Thing, Justice League of America, Wonder Woman, Batman, Ultimate X-Men et de nombreux autres. Dan Parent, l'artiste légendaire derrière quelques-unes des aventures les plus avant-gardistes du personnage Archie et les maîtresses de l'art de la costumade, donc le cosplay Marie-Claude Bourbonnais et Indra Rojas. Gauthier Langevin et Olivier Carpentier, respectivement le scénariste et l'artiste de Far Out, bande dessinée renommée pour sa fusion magistrale des genres western et science-fiction, seront également présents, de même que Jake Dion, artiste qui connaît un grand succès grâce à son travail remarquable dans le comic book Turbo Kid, l'aventure perdue d'Apple, et dans le tout premier numéro de la série Amos Dahagon, porteur de masque, écrit par Brian Peo. L'année 2016 marque aussi le 50e anniversaire de la série télévisée Batman, mettant en vedette Adam West et Burt Ward dans le rôle respectif du justicier masqué et de son agile acolyte, Robin. L'occasion sera commémorée au Comic-Con par la présence de la rutilante Batmobile de 1966, devant laquelle ses adeptes pourront se faire prendre en photo. D'autres bolides fantastiques seront également exposés, dont la camionnette Mystery Machine de Scooby-Doo, la légendaire kit de K2000 Knight Rider, la motocyclette d'Indiana Jones et la Jeep de Jurassic Park. Outre les nombreux marchands spécialisés en bande dessinée, en comic books, en jouets, en cartes, en jeux vidéo et en d'autres articles de collection, le Comic-Con offrira à ses visiteurs des activités exclusives, dont la très populaire Mascarade, une fête rassemblant tous les amateurs costumés de l'événement. Oui. Le samedi, le public pourra assister à un concert Star Wars, courtoisie de l'orchestre avant de musique de film, l'OVMF. Composé de 50 musiciens talentueux, l'OVMF fera voyager ses spectateurs au son des meilleures pièces de 7 chefs-d'œuvre du cinéma. Cet événement musical sera suivi le dimanche d'un autre concert présenté par les élèves de l'école de l'Harmonie, pavillon Saint-Édouard, sous la direction du professeur Philippe Amiotte. Ces élèves seront devenus une sensation internationale sur YouTube avec plus de 50 millions de visionnements de leur interprétation au violon et au sabre laser des thèmes de la guerre des étoiles lors de la première de Star Wars The Force Awakens en 2015 à Québec. Dans cette même thématique, Jérémy Larouche présentera son spectacle La Saga des Étoiles, un tour de force qui résume de façon humoristique et parodique l'ensemble des 6 épisodes cinématographiques de la série culte Star Wars. Les passionnés du jeu vidéo rétro pourront démontrer leurs habiletés dans des stations installées à cette fin, grâce au de la planque, et les mordus de jeux analogues s'en donneront à cœur joie dans la zone Les Journées ludiques de Québec, qui leur fera découvrir une foule de jeux à accès libre. Finalement, les visiteurs auront l'occasion de participer à des conférences et à des ateliers pour toute la famille sur l'art de la costumade, les bandes dessinées, les comic books, Star Wars et bien d'autres. Les billets sont en vente à partir du 15 septembre à midi sur comicconquebec.com. Maintenant, on va sur la chaîne Max qui devait présenter Chicago Med. Et finalement, ça n'a pas eu lieu. Pourquoi? On a un article qui va nous expliquer la situation. La série américaine devait être présentée en français sur le réseau Max. Ça, c'est anciennement Musimax à compter de l'automne. Donc, plusieurs se posaient la question. Dans la grille horaire de Max, Chicago Med figurait. Et finalement, c'est pas là. Donc, la série devait être offerte en français les mercredis à partir du 28 septembre à 20h. Une porte-parole du réseau a informé showbiz.net que c'est un retard dans la livraison des épisodes en français qui a occasionné ce retrait temporaire de la grille horaire. La série devait être présentée plus tard cet automne, mais aucune date devrait être présentée, oui, plus tard cet automne, mais aucune date n'a pour le moment été annoncée. On rappelle que l'intrigue de Chicago Med, qui est un dérivé de la série Chicago Fire, des créateurs Dick Wolf et Matt Olmsted, se déroule à l'hôpital Gaffney de Chicago, où plusieurs cas graves sont traités chaque jour dans une salle d'urgence à la fine pointe de la technologie. La série en est à sa deuxième saison en version originale anglaise sur le réseau NBC. On trouve Nick Gelfis, Yaya DaCosta, Terry DeVito, Rachel DePillo et plusieurs autres, dont Oliver Platt, dans la distribution. Ensuite, on va aux États-Unis. Il y aura un croisé entre New Girl et Brooklyn Nine-Nine. On est à quelques jours, je crois bien. Est-ce que c'est ça? Je vais aller voir la date pour m'en assurer. L'article date de 4 octobre. Oui, donc c'est mardi prochain. Voilà. Donc, on est à quelques jours du plus grand crossover, donc un croisé de la saison entre les comédies New Girl et Brooklyn Nine-Nine qui sont sur le point d'entrer en collision. Et il y a une promo de Fox sur assemblagerequis.com. Selon la description officielle de l'épisode, Jess, jouée par Zoe Deschanel, se retrouve à New York et fait la rencontre du détective Jake Peralta, joué par Andy Samberg. Il fait appel à son aide pour traquer un suspect dans un nouveau cas. Dans la seconde moitié de l'épisode Croisé d'une heure, on apprend que toute la distribution de New Girl se dirige vers New York parce que Schmidt, ça c'est Max Greenfield, croit qu'il sera honoré à son école secondaire. Jess finit au 99e arrondissement où elle rencontre Gina. Ça c'est le personnage de Chelsea Peretti et le capitaine Holt, joué par Andre Brower. Pendant ce temps, Nick, joué par Jake Johnson, et Winston, joué par Lamorne Morris, essaie de trouver le métro tout en essayant d'impressionner Boyle, joué par Jolo Trulio. Et Sissy doit faire face à sa nouvelle belle-mère, jouée par Nora Dunn. Voilà. Donc, le croisé entre Brooklyn Nine-Nine et New Girl sera diffusé mardi prochain à 20h sur ça. Ensuite, les acteurs les mieux payés de la télé américaine. C'est le magazine Variety qui a dévoilé dans son plus récent numéro la liste des comédiens et animateurs les mieux payés du petit écran américain à la suite d'un sondage mené au sein de l'industrie. Dans la catégorie comédie, oui, les acteurs de The Big Bang Theory, Jim Parsons, Kelly Cuoco et Johnny Galecki forment le trio de tête avec un cachet moyen de $1 million par épisode. Du côté des séries dramatiques, Lauren Graham et Alexis Bledel, mère et fille dans Gilmore Girls, gagnent la coquette somme de $750,000 par épisode. Les animateurs ne sont pas en reste avec peut-être la juge Judy Shainlin, dont le salaire annuel atteindrait 47 millions, suivi de Matt Lauer du Today Show sur NBC entre 22 et 25 millions, et finalement Ellen DeGeneres à $20 millions. Toujours aux États-Unis, une nouvelle série inspirée d'Alfred Hitchcock est présentement en chantier. Donc, fan de Alfred Hitchcock, la nouvelle série inspirée par le maître du suspense lui-même, selon The Hollywood Reporter, elle s'en vient. Donc, on a forgé un marché avec Universal Cable Productions pour créer une série d'anthologie nommée Welcome to Hitchcock. Chaque saison, on va avoir donc un seul mystère ou un seul crime inspiré par des films très connus comme The Birds en 63 ou Psycho en 1960. La compagnie de production de Chris Columbus, 1492 Pictures Ocean Blue Entertainment, va participer au projet avec la compagnie de production télévisuelle Vermilion Entertainment. Columbus, qui a écrit entre autres The Goonies et Gremlins, va réaliser Welcome to Hitchcock et va être un des producteurs exécutifs. Il avait aussi réalisé deux films de Harry Potter, ainsi que Miss Doubtfire en 93, Mrs., pardon, ainsi que Home Alone en 1990. Donc, c'est pas la première fois qu'une série télé basée sur les travaux de Hitchcock est présente au petit écran. En 2013, le drame Bates Motel, avec des personnages basés sur le film le plus connu de Hitchcock, Psycho, en 1960, a débuté donc sur A&E, produit par Universal Television. L'émission devrait entrer dans sa dernière saison, la cinquième, en 2017. On va à l'international. La chaîne BBC travaille sur le téléviseur holographique du futur. Donc, la British Broadcasting Corporation, c'est une chaîne de télévision britannique donc qui diversifie ses activités maintenant. La réalité mixée sera assurément le futur de bon nombre d'applications. La chaîne travaille justement sur un téléviseur holographique. Cyrus Sehan, directeur des partenariats numériques, est dévoué à ce projet. L'équipe a déjà créé un prototype utilisant des technologies holographiques existantes et d'autres techniques pour créer du contenu holographique. Les chercheurs ont utilisé une télé 46 pouces classique pour diffuser les images holographiques sur lesquelles ils ont placé une pyramide pour créer une réalité mixée assez convaincante, selon la vidéo sur assemblagerequis.com. Pour évaluer les performances de la création, la BBC a placé son appareil dans le New Broadcasting House et a observé les réactions des passants. Logo de la chaîne, cœur qui bat, dinosaures en marche ou feux d'artifice ont fait leur petit effet. À noter que l'expérience a été particulièrement intéressante lorsque la luminosité ambiante était faible et que l'écran était à la hauteur des yeux, nous dit l'article de ubergizmo.com. Donc, aura-t-on un jour un téléviseur holographique dans notre salon? Peut-être, probablement, je dirais que oui. Hein? Il n'y a aucun doute. On va sur Netflix qui transforme 200 cafés en Luke's Diner, oui, de la série Gilmore Girls. Énorme coup publicitaire pour Netflix alors que les adeptes ont pu aller prendre leur café dans un Luke's Diner partout aux États-Unis. Les adeptes de Gilmore Girls le savent, le café de Luke, personnage iconique de Stars Hollow, est un incontournable de la série. Tous les fans de cette production ont un jour rêvé d'aller prendre un café et un bang au Luke's Diner. Mais voilà que Netflix a fait de ce rêve une réalité pour plusieurs après avoir transformé plus de 200 cafés à travers les États-Unis mardi dernier pour le Happy Birthday Gilmore Girls Event, donc hashtag Happy Birthday Gilmore Girls. Les photos se sont mises à pleuvoir sur les réseaux sociaux, nous dit showbiz.net, signe de la réussite de cette campagne publicitaire nationale en prévision du retour. Donc la nouvelle saison de Gilmore Girls qui débute le 25 novembre sur Netflix. Vous pouvez aller voir des photos sur assemblagerequis.com pour en savoir plus. Ensuite, une nouvelle application. Oui, je m'excuse, on passe en radio maintenant dans la section Television parce qu'on n'a pas de chronique Radio. On y va avec une nouvelle application radio qui sera bientôt offerte au Canada. Radio Player, un service de diffusion numérique en continu provenant du Royaume-Uni, sera bientôt offert aux auditeurs d'un océan à l'autre grâce à l'union des plus importants radiodiffuseurs du Canada. Les utilisateurs pourront donc accéder à plus de 500 stations offrant du contenu musical de tous les styles, des nouvelles, de la radio parlée et du divertissement sur des appareils iOS et Android ainsi que sur des lecteurs de musique sur ordinateur de bureau. Avec un lancement prévu plus tard cette année, la date sera annoncée dans les prochaines semaines. L'application mobile Radio Player permettra aux Canadiens d'accéder rapidement à leur station de radio préférée de langue anglaise ou française, offrant des émissions de radio en direct ou en rediffusion. L'application sera disponible sur iOS et Android, et il y a en plus l'intégration avec CarPlay chez Apple, Android Auto, Chromecast et les montres intelligentes. Au Canada, Radio Player rassemblera les stations de Central Ontario Broadcasting, Clear Sky Radio, Cogeco Media, Chorus, Durham Radio, Golden West, Harvard Broadcasting, Larch Communications, Newcap Radio, Pattison, Rogers, Ralco Radio, RNC Media, Saskatoon Media Group et Vista Radio. Voilà, ça en fait du beau petit monde. Et pour terminer, en radio, c'est XS, la petite boîte à musique, qui signe le nouveau son de la station radiophonique montréalaise, nos confrères de CIBL 101.5, qui se refait une beauté pour ses 35 ans. XS avait comme mandat de créer une étiquette sonore représentant la culture montréalaise. La station de radio voulait une signature éclectique, unique, colorée et intelligente. Son équipe y a donc mis de la pop, du rock, de l'électro, du hip-hop et de la musique du monde, world. L'idée de combiner tous ces styles musicaux visait à représenter une unité culturelle locale typiquement montréalaise. Le studio a notamment repenser plusieurs chansons thèmes d'émission. On va commencer par la nouvelle chanson thème de l'émission du matin. Je vous avertis que je ne les ai pas écoutées à l'avance, juste pour avoir l'effet de surprise quand on va l'écouter. Donc, chanson thème de l'émission du matin sur CBL. Oh, la bise, j'aime ça, la bise. C'est épique comme un film. Et là, le creux qui arrive, bonjour, bienvenue à l'émission du matin, peu importe le titre, blablabla. Bla, bla, bla. Ça sonne très bien, j'aime ça, c'est super, comment dire, full indie. Il n'y a rien de commercial là-dedans, j'aime ça. Cool. Le reste, sur XS Music Loud, chaîne SoundCloud, j'ai envie d'en entendre d'autres. Est-ce qu'on écoute celle-là? Je ne sais pas ce que c'est, celle-là, c'est XS Music et CIBL. J'imagine un montage, peut-être, on va écouter, voir. C'est peut-être la même, hein. Je pense que c'est la même. L'émission du retour, tiens, on va essayer l'émission du retour. Attention, c'est ici. Oh, wow! Complètement différent. Ok. Je comprends, SoundCloud des fois ne veut pas jouer deux affaires en même temps. Attention, on va recommencer ça. Il me semblait que je trouvais que ça sonnait bizarre. Ah ouais, c'est mieux. J'adore ça. Très bon. L'idée est quand même cool pour une station, c'est une radio communautaire, c'est IBL. Donc ils ont choisi d'avoir un seul son qui englobe la station complète. C'est pas, je disais nos confrères tantôt, parce que bon, on est dans le domaine du non commercial et dans l'indépendant, mais c'est pas exactement la même chose. Hein. Très cool. Donc c'est par XS. Allez voir la chaîne SoundCloud XS Music Loud. Voilà, assez de pub pour CIBL. On s'en va écouter une chanson, un remix d'une pièce de Super Mario Brothers. Vous savez comment j'aime les chansons de Super Mario. Ça s'appelle I Run These Pipes, Son. C'est par That Andy Guy. Et comme c'est sur SoundCloud aussi, que je peux pas faire jouer deux affaires en même temps sur SoundCloud, ou est-ce que on va attendre que ça le finisse. Hein? Voilà, voici I Run These Pipes par That Andy Guy. MPS de Mathieu Planchon sur ses... We'll be right back. assez pour l'écouter. 89.1. Square avec Boss Team de Final Fantasy IV, qui est aussi techniquement un remix de Super Mario RPG, donc un genre de mashup entre les deux. Et avant la pause, c'était I Run These Pipes Son par That Indie Guy, remix évidemment, vous l'aurez reconnu, de Super Mario. Toujours Mathieu Planchot, maintenant c'est Merci Science. Merci Science, la chronique qui remercie la science d'exister. On commence en médecine avec le fait de fumer qui laisse des traces dans votre ADN même 30 ans après avoir arrêté. Fait peur un peu, fait peur. L'éthanagisme a un impact à long terme sur le génome à cause des méthylations de l'ADN. 7000 gènes seraient ainsi modifiés chez les fumeurs, soit un tiers des gènes humains, et certaines méthylations persistent même après l'arrêt de la cigarette. Même après avoir arrêté de fumer, donc, d'anciens fumeurs sont toujours à risque pour des maladies comme le cancer, la bronchopneumopathie chronique obstructive, le BPCO, ou l'AVC. Comment l'expliquer? La méthylation de l'ADN est un mécanisme épigénétique qui contrôle l'expression des gènes et peut modifier la façon dont des gènes sont activés, nous dit Futura Santé. Pour savoir si ce mécanisme peut expliquer le développement de maladies liées au tabagisme même après l'arrêt de la cigarette, des chercheurs ont étudié les effets du tabac sur l'ADN. Pour cela, ils ont analysé les échantillons sanguins de 15 907 personnes provenant de 16 groupes d'études, dont la Framingham Heart Study. Ils ont comparé les sites de méthylation chez 2433 fumeurs, 6518 anciens fumeurs et 6956 personnes qui n'avaient jamais fumé. D'après leurs résultats parus dans la revue Circulation Cardiovascular Genetics, un journal de l'American Heart Association, il y avait des sites méthylés dans plus de 7000 gènes chez les fumeurs et anciens fumeurs. Les sites de méthylation les plus significatifs étaient liés à des gènes associés à des pathologies comme les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Chez les personnes qui avaient arrêté de fumer, la majorité des sites de méthylation revenaient à une situation comparable à celle de personnes n'ayant jamais fumé. Mais certains sites de méthylation persistaient même 30 ans après l'arrêt de la cigarette. Ce qui permet donc à Robbie Johannes, principal auteur de l'article, d'affirmer, je cite, « Notre étude a trouvé des preuves convaincantes que le tabagisme a un impact durable sur notre machinerie moléculaire, un impact qui peut durer plus de 30 ans. » Cette découverte ouvre la possibilité de développer des biomarqueurs pour connaître l'histoire tabagique d'un patient et de nouveaux traitements tenant compte des sites de méthylation. Le désodorisant favoriserait-il le cancer du sein? Ouh! Ça fait grand titre écrit en rouge. Le désodorisant est aujourd'hui dans toutes les salles de bain. On en use parfois et même qu'on en abuse. Il se retrouve aujourd'hui sur le banc des accusés, nous dit UberGizmo.com. Une étude publiée par des chercheurs suisses dans l'International Journal of Cancer pointe du doigt sa possible implication dans les cancers du sein. Parmi les nombreux et variés composants de désodorisants, les sels d'aluminium. Le magazine 60 millions de consommateurs alertait déjà en 2012 sur ces produits. Le professeur André-Pascal Sapino et le docteur Stefano Mandriotta, respectivement oncologue et chercheur suisse, ont réalisé des expériences sur des souris. En exposant des cellules mammaires in vitro à des sels d'aluminium, celles-ci forment plus facilement des tumeurs et des métastases. Aujourd'hui, je cite, les tumeurs apparaissent à 80% désormais dans le cadran supérieur externe, à côté du creux de l'aisselle, donc, dont l'épiderme est extrêmement perméable. Les chercheurs invitent à se plier au principe de précaution. Les études allant dans ce sens sont nombreuses. En 2007 déjà, une étude britannique avait découvert une teneur en aluminium dans les tissus de sein de 17 patientes atteintes du cancer, plus élevée dans la région proche de l'aisselle. Ça fait encore une fois pas mal peur. L'ocytocine maintenant, l'hormone de l'amour, mais aussi du lien social et de la spiritualité. L'ocytocine est une hormone sécrétée par l'hypophyse qui est connue pour son rôle dans l'accouchement, l'allaitement, l'attachement mère-enfant et le lien social. Les chercheurs ont montré qu'elle peut aussi stimuler la spiritualité. Dans une petite étude portant sur 83 hommes âgés de 35 à 64 ans, certains participants ont reçu de l'ocytocine et d'autres placebo par le biais d'un spray nasal. Ensuite, ils ont dû répondre à des questions sur la spiritualité, leur sentiment d'être connectés à une puissance suprême ou au monde, donnant ainsi un sens à leur vie. Les hommes qui avaient reçu de l'ocytocine disaient plus souvent que la spiritualité était importante dans leur vie, même une semaine après avoir reçu leur dose. Ils étaient plus souvent d'accord avec des affirmations comme « toute vie est interconnectée » et « je crois qu'il y a un sens plus large à la vie ». Ils exprimaient aussi plus d'émotions positives après une séance de méditation qui avait lieu peu de temps après le spray nasal. Ces résultats sont parus dans Social Cognitive and Effective Neuroscience. Évidemment, encore une fois, on doit rappeler que l'échantillon est très très petit et que c'est pas parce que ça dit ça que ça veut dire ça. Hein? Ensuite, en chirurgie réparatrice, l'impression 3D promet de révolutionner les greffes osseuses. Depuis des années, les chirurgiens espèrent voir apparaître sur le marché un os artificiel qui permettrait de greffer de manière sûre, rapide et efficace tous les patients qui en auraient besoin. Aujourd'hui, l'équipe de chercheurs américains semble en passe de réaliser ce rêve grâce à la puissance de l'impression 3D. En France, on dénombre chaque année des millions d'os cassés. Généralement, un plâtre suffit à réparer la fracture, mais parfois, il faut aller plus loin et avoir recours à la chirurgie réparatrice et à une greffe osseuse. Depuis quelques années, les chercheurs espèrent mettre au point des os artificiels capables de se substituer aux os humains. Des médecins et ingénieurs américains annoncent d'ailleurs avoir conçu à l'aide d'une imprimante 3D ce qu'on pourrait, allez en croire, qualifier d'os artificiel parfait. Qu'entendent-ils par os artificiel parfait? Un os qui présenterait des propriétés mécaniques proches de celles que possède un os naturel. Un os qui serait facile à mettre en œuvre dans un bloc opératoire. Un os qui serait relativement bon marché et un os, bien sûr, qui ne provoquerait pas de réaction de rejet. Cet os, l'équipe de l'Université Northwestern l'a baptisé l'os hyperélastique, ou HB pour Hyperelastic Bone. Les ingénieurs américains ont d'abord procédé à quelques tests, mécaniques notamment. Ils ont soumis un morceau de fémur hyperélastique à des contraintes de compression et leur os a résisté à des charges 2 à 3 fois supérieures à celles supportées par les matériaux actuels. Dans une seconde étape, les médecins américains ont mené des tests sur les animaux. Ils sont parvenus à réparer une blessure à la colonne vertébrale sur des rats. En 4 semaines seulement, ils ont aussi vu des tissus biologiques se souder après l'implantation d'un os hyperélastique crânien sur un macaque. L'os hyperélastique est composé à 90% de poudre d'hydroxyapatite, qui se trouve être le principal constituant des os et des dents. Mais l'hydroxyapatite, qui est déjà utilisé en chirurgie réparatrice, est par nature plutôt fragile. Alors, pour donner de la flexibilité à leur os artificiel, les chercheurs de l'Université Northwestern ont ajouté 10% d'un élastomère biocompatible, le polycaprolactone, lui aussi déjà utilisé dans le domaine médical pour la fabrication de tissus. Ce qui fait réellement l'originalité de cet os hyperélastique, c'est qu'il peut être produit par impression 3D. Et plus la forme de l'os est complexe, plus l'impression 3D apporte au processus. D'autant que l'impression est rapide, de l'ordre de 275 à 550 cm3 par heure selon la porosité de l'os. Ainsi, par exemple, les chercheurs ont imprimé une mandibule humaine en moins de 3 heures. Parmi les autres avantages du procédé mis au point par l'équipe américaine, on peut citer le fait qu'il permet d'imprimer des os sur mesure, mais aussi des sortes de feuilles d'os que les médecins pourront couper et façonner à volonté. Le tout à température ambiante et à partir de matériaux de base couramment utilisés. Un atout économique indéniable, d'autant que l'utilisation de ces matériaux a déjà été individuellement approuvée par la FDA, la Food and Drug Administration, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux. Les premières applications cliniques pourraient ainsi voir le jour d'ici 5 ans. On peut guérir d'un calcul rénal, ce qu'on appelle des fois les pierres sur les reins, avec un tour de montagne russe. Deux chercheurs ont testé un modèle reproduisant un calcul rénal dans une attraction de type montagne russe. Résultat, en étant assis à l'arrière du train, la pierre sur les reins aurait 2 chances sur 3 d'être expulsée des voies urinaires. Faudra-t-il bientôt que l'assurance maladie, oui, rembourse vos entrées au parc thématique, au parc, peu importe, à l'expo? Peut-être en croire les résultats de cette recherche étonnante parue dans Journal of the American Osteopathic Association. L'un de ses auteurs, David Wartinger, est un chirurgien urologue qui a eu l'idée de cette expérience grâce à un patient qui lui a raconté avoir réussi à faire passer 3 calculs rénaux en allant au... on dirait vraiment un magasin d'outils à Trois-Rivières, genre. T'as le Home Depot, t'as le calcul rénaux. En allant donc aux montagnes russes d'un parc Disneyland. Il n'était pas un cas isolé. Je cite, nous avons entendu pendant des années des histoires de gens qui sont partis en vacances dans des parcs d'attractions et ont fini par passer un calcul rénal. Avec un professeur de l'Université de l'État du Michigan, il a travaillé sur un moule en silicone pour reproduire les voies dans lesquelles le calcul doit passer. En effet, un calcul rénal est une concrétion qui peut se former dans une cavité d'un rein et migrer dans le fin passage, les urétères, les canaux qui mènent l'urine vers la vessie. Les deux chercheurs ont mis de l'urine et des calculs dans un modèle en silicone et placé le tout dans un sac à dos qu'ils ont amené au Big Thunder Mountain Railroad du parc Disney d'Orlando en Floride. Dans une première étude, ils ont testé 20 tours de l'attraction avec 3 calculs rénaux de tailles différentes. Ils ont trouvé que les sièges situés à l'arrière du train donnaient les meilleurs résultats, avec environ 63% des calculs qui passaient contre 16% à l'avant du train. D'après CNN, les chercheurs ont mené ensuite une étude plus large avec plus de 230 tours pour observer un taux de réussite de l'ordre de 70%. Pour expliquer cette efficacité, l'hypothèse est que les calculs qui sont souvent dans la partie basse du rein doivent remonter pour avoir une chance de passer. C'est là que des mouvements brutaux pourraient aider. David Wartinger pense que cette thérapie surprenante pourrait servir dans les cas de petites pierres sur les reins. Je cite, si vous avez un calcul de 4 mm ou moins, il devrait être en mesure de passer sans avoir besoin de chirurgie et sans trop d'inconfort. Pour moi, c'est une maudite bonne nouvelle parce que c'est quelque chose qui fait peur. J'ai tellement pas envie d'avoir ça un jour, mais je sais que ça va venir sûrement. Tout le monde a ça à un moment donné, non? Je sais pas. Tiens, peut-être en vivrons-nous plusieurs parce que si on pourrait vivre jusqu'à 100 ans apparemment grâce aux milliards de dollars de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg et son épouse Priscilla Chan annonçaient qu'ils investiraient 3 milliards de dollars sur 10 ans dans l'objectif de contrer toutes les maladies d'ici 2100. Ce projet ambitieux commence par un investissement de 600 millions de dollars pour créer un centre de biologie réunissant 3 universités. Il est tentant d'y voir de la mégalomanie ou même un grand coup de pub, ça c'est pour les cyniques, mais le couple formé par le fondateur de Facebook et la pédiatre Priscilla Chan s'est tout de même engagé à verser au moins 3 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour venir à bout de toutes les maladies à la fin du siècle. En décembre 2015, suite à la naissance de leur fille Max, le couple avait déjà annoncé dans une lettre ouverte adressée à leur fille qu'il donnerait 99% de ses actions de Facebook, ce qu'on évalue à 45 milliards de dollars, pour améliorer le monde. Ceci a conduit à la création de la Chan Zuckerberg Initiative, qui a travaillé sur des projets éducatifs. Maintenant, l'organisation s'intéresse à la science pour aider à guérir, prévenir ou gérer toutes les maladies d'ici la fin du siècle. 4 grands types de pathologies concentrent la plupart des maladies dans le monde, soit le cancer, les maladies cardiovasculaires, neurologiques et infectieuses. La recherche financée par la Chan Zuckerberg Initiative devra se focaliser sur les fondements scientifiques de ces maladies. Grâce à cet effort, Mark Zuckerberg prédit que d'ici 2020, l'espérance de vie moyenne serait au-delà de 100 ans, comme le rapporte la BBC. La première étape de ce programme scientifique d'envergure sera le BioHub, un centre de recherche de Mission Bay à San Francisco, dans lequel seront investis 600 millions de dollars. Le BioHub regroupera des ingénieurs, des informaticiens, des biologistes et des chimistes des universités de Stanford et de Californie, San Francisco et Berkeley. La première tâche à laquelle devra s'atteler le centre de recherche sera la construction d'un atlas de cellules humaines qui recensera le fonctionnement de chaque type cellulaire présent dans l'organisme. Le projet utilisera les nouvelles technologies de séquençage et d'édition génétique pour décrire les caractéristiques moléculaires des cellules. Un autre projet concernera les maladies infectieuses ainsi que afin de les détecter, oui, plus tôt, et de développer des vaccins pour lutter, par exemple, contre le VIH, les virus de l'Ebola, de Zika et d'autres. Au sein de la Chan Zuckerberg Initiative, les travaux scientifiques seront dirigés par une neurobiologiste renommée, Cornelia Barman, de l'Université Rockefeller. Elle a expliqué à Science Mag que pour elle, je cite, « cette initiative est une occasion spectaculaire de faire quelque chose d'unique. » En particulier, elle insiste sur l'intérêt à long terme d'un tel projet, car beaucoup de maladies ne peuvent être résolues en quelques années et nécessitent des décennies de recherche. On va dans l'espace maintenant. Stephen Hawking qui déconseille de nouveau de parler aux extraterrestres. La découverte de Proxima B, une exoplanète tournant autour de l'étoile Proxima du Centaure, a ravivé les spéculations sur l'existence d'une civilisation extraterrestre proche du système solaire. Elle relance aussi l'intérêt pour un documentaire dans lequel l'astrophysicien Stephen Hawking exprime à nouveau ses réserves sur le bien fondé d'un message envoyé à ces hypothétiques extraterrestres. En juillet 2015, Stephen Hawking faisait partie des scientifiques regroupés autour du milliardaire Yuri Milner, le cofondateur et actuel président du fonds d'investissement russe Digital Sky Technologies, DST, spécialisé dans l'Internet. À l'occasion de l'annonce du lancement du projet Breakthrough Initiative, Milner se proposait de financer les recherches du programme SETI sur 10 ans à hauteur de 100 millions de dollars. Le projet se décline en deux parties. La première et la plus importante, le Breakthrough Listen, consiste à tenter de détecter les émissions de civilisations extraterrestres dans le domaine radio, mais aussi sous forme d'impulsion laser. La seconde, le Breakthrough Message, est une compétition dotée $1 million comme prix. Elle consiste à proposer un message à destination d'une des éventuelles civilisations extraterrestres que le projet pourrait révéler. Bien que membre du projet Breakthrough Initiative, Hawking ne cache pas depuis des années qu'il désapprouve l'idée d'entrer en communication avec une civilisation avancée extraterrestre, craignant que le scénario de Independence Day, jour de l'indépendance, devienne réalité, ou plus exactement que le débarquement extraterrestre ait le même effet sur l'humanité que l'arrivée des Européens sur les Indiens d'Amérique. Il vient de réitérer cette mise en garde dans le nouveau documentaire qui passe sur Curiosity Stream, un site de vidéos sur demande intitulé Stephen Hawking's Favorite Places, un documentaire qui met en scène en images de synthèse les tribulations de chercheurs britanniques dans le cosmos. Les craintes de Stephen Hawking semblent bien peu fondées, nous dit-on, et n'ont certainement pour but que d'alimenter un certain buzz médiatique, comme il sait le faire depuis des années, nous dit Futura Science. Si ça c'est tout à fait subjectif de leur part, si nous décidions de répondre à un message de DT avec des ondes radio, il faudrait des décennies, voire des centaines d'années, peut-être plus, pour que notre message les atteigne. Or, une civilisation extraterrestre très avancée a seulement quelques dizaines ou quelques centaines d'années-lumière de la Terre, nous a certainement déjà détecté depuis bien longtemps, dit l'article. Surtout une civilisation capable de maîtriser le voyage interstellaire est probablement constituée de super intelligence artificielle qui ne verrait aucun intérêt à discuter avec nous et à nous coloniser. Voyons. Ni à nous coloniser, oui. Colin, voyons, c'est quoi cette phrase-là? Ayant d'autres interlocuteurs à qui s'adresser et n'ayant nullement besoin des pauvres ressources d'une planète comme la nôtre, alors que les étoiles et les astéroïdes peuvent lui fournir tous les minerais et toute l'énergie dont elle aurait l'usage. Un article rempli d'opinions, c'est rare de la part de Futura Science. Et pour terminer, du graphène pour veiller sur notre santé. Souvent décrit comme un matériau miracle, on en parle très souvent à l'émission, le graphène est censé changer notre futur, ou au moins celui de l'électronique. Grâce aux travaux d'une équipe américano-chinoise, cette feuille de carbone pourrait même entrer dans la légende en constituant la structure des implants qui, nous promettons, surveilleront un jour notre santé. Lorsqu'il est question d'implants à base de graphène, l'innocuité de ce matériau, une feuille monoatomique de carbone, pose problème. Non seulement la preuve de cette non-toxicité n'a pas encore été apportée, mais en plus, le graphène, si miracle soit-il, présente une fâcheuse tendance à la surchauffe. Selon les chercheurs du MIT et de l'Université Tsinghua de Pékin, ce défaut pourrait être contré grâce à une simple pellicule d'eau. Surveiller notre état de santé à l'aide d'implants capables d'émettre une alerte devant les signes d'une potentielle défaillance est l'objectif à moyen terme de la médecine prédictive. Et ici, dans ce domaine aussi, les chercheurs s'intéressent au graphène, c'est pour sa polyvalence. On peut en effet imaginer que chacune de ses caractéristiques puisse être exploitée pour une mesure en particulier. Malheureusement, le courant nécessaire pour alimenter un implant en graphène risquerait de faire chauffer le système et de faire cuire les tissus humains environnants. C'est en premier lieu ce que confirme effectivement l'étude des ingénieurs du MIT et de l'Université de Tsinghua. Un contact direct entre une couche de graphène et la membrane d'une cellule peut rapidement mener à la mort de cette dernière. Je cite: dans le corps humain, l'eau est partout. La surface externe des membranes cellulaires est même en perpétuelle interaction avec l'eau, de telle sorte qu'il est difficile de la supprimer totalement. Nous avons donc eu l'idée de jouer avec cette eau et nous avons conçu un modèle en sandwich dans lequel la membrane et le graphène jouent le rôle des tranches de pain alors que l'eau joue le rôle du jambon, qui améliore la conductance thermique du système, explique Zhao Qin, chercheur au MIT. Ces chercheurs ont donc étudié avec précision, sur une surface de 500 nanomètres carrés, la manière dont la chaleur est transmise à l'échelle atomique entre du graphène et des tissus biologiques séparés uniquement par une fine pellicule d'eau. Ils ont observé les échanges de chaleur en fonction du courant appliqué et de l'épaisseur de la pellicule d'eau. Voici donc leur conclusion. La puissance maximale qui peut être appliquée est de l'ordre de 1 MW par mètre carré sous la forme d'impulsion d'une microseconde environ. Et une épaisseur d'eau de 1 nanomètre suffit à dissiper efficacement la chaleur générée. Par quel mécanisme? Eh bien, peut-être bien grâce à un phénomène surprenant de l'équipe sino-américaine, que l'équipe de sino-américaine a mis en évidence. L'eau prise entre le graphène et la membrane cellulaire a tendance à adopter une structure cristalline semblable à celle du graphène et à se comporter un peu comme un solide. En s'appuyant sur ces travaux, il devrait bientôt être possible de concevoir des implants à base de graphène qui ne menaceraient plus de griller les cellules avoisinantes, ou bien d'améliorer le fonctionnement de certaines applications qui, au contraire, sont destinées à mettre à mort des tissus biologiques, comme les tumeurs cancéreuses, par exemple. Voilà pour Merci Science. Merci Science. Les liens sont sur assemblageriki.com. On est rendu à une prochaine chanson chiptune. Une petite pièce, une longue pièce, oui, de 5 minutes 30 environ. Elle est par Toaster Pastries. Vous savez, j'adore les Toaster Strudels. Donc ça me touche énormément. Voici la pièce Delta V, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou 89 FM. Trois-Rivières. Vous êtes assez fou. À Trois-Rivières, c'est le 89.9. J'étais en train de rajouter toutes mes cartes de crédit sur Apple Pay. Hey, on arrive en 2016 avec Apple Pay chez Desjardins au Québec. C'est la première banque ou caisse à faire ça. Quand même que ça a été long, mais nous voulons avec des cartes. Je les ai mis dedans, ils sont tous super cute. Talk, c'est beau. Desjardins Apple Pay. Essayez ça. Maintenant, c'est le segment Geek Scenic, ça. Et avant de commencer, Cyril, j'ai oublié de vous dire que la chanson qu'on avait entendue était par Jellica, c'était 28 Song 2. Et avant la pause, Delta V avec Toaster Pastries. Voilà. Donc c'est Alex, c'est le segment geek, c'est la chronique où on parle de technologie, on parle de jeux vidéo, on parle d'informatique, ce genre de trucs là. Donc à part Apple Pay, je pourrais vous en parler quelques secondes, j'ai sorti l'article pendant que j'étais en train d'acheter les cartes. Donc le mouvement Desjardins deviendra aujourd'hui, hier en fait, la première institution financière québécoise à offrir à ses clients le service de paiement par appareil mobile Apple Pay. Service qui est officiellement offert depuis hier, donc le 4 octobre à 9h du matin. La Banque Nationale et la Banque Laurentienne n'offrent toujours pas le service. Les 5 plus grandes banques canadiennes, Royal, TD, BMO, Scotia et CIBC participent depuis le printemps au programme Apple Pay du géant Apple. Donc voilà, Desjardins qui arrive enfin dans le monde d'aujourd'hui. McDonald's, entre autres, des grands restaurants comme ça qui acceptent Apple Pay depuis super longtemps, mais on pouvait pas vraiment s'en servir parce que la majorité des gens sont sur Desjardins au Québec, hein, parce que c'est inculqué telle une secte dès la jeune enfance. J'aime vraiment pas ce principe-là, mais regardez-moi, je suis aussi sur Desjardins. Hein. C'est... Il faut se rendre à l'évidence que c'est la chose à faire au Québec. On revient sur une nouvelle que j'ai mentionnée en intro la semaine passée. Je me sentais mal depuis. J'avais dit dans l'introduction avec une petite blague, là, j'avais parlé du iPhone dans votre main droite et j'avais pas lu l'article en onde outrage. Bref, bien des choses peuvent affecter comment votre téléphone fonctionne et cette nouvelle-là est un petit peu spéciale. C'est un récent document PDF de la Nordic Council of Ministers qui a examiné la performance de l'antenne, oui, sur différents modèles de téléphones cellulaires. Et ils nous apprennent donc que tenir votre téléphone par la main droite peut dramatiquement changer comment vous allez ramasser les signaux radio. Donc c'est un petit tableau créé par Quartz, partagé par Dig.com, qui montre les spécificités, donc dBm pour décibels milliwatts. En bref, les iPhones ne vont pas si bien que ça côté dBm. L'iPhone SE, 6S et 6S Plus sont assez mauvais dans le tableau. Ces modèles-là opèrent particulièrement mal si vous tenez votre téléphone dans la main gauche, comme je le fais. Je suis gaucher du téléphone, même si je suis droitier. Donc côté, j'imagine, le tableau, faut dire, commence par le haut avec les meilleures cotes côté main gauche et main droite, et ça descend. Donc le premier sur la liste, celui qui va le mieux côté signal, force du signal de transmission, c'est le Microsoft Lumia 640, ensuite le Xiaomi Mi 5, ensuite le HTC Desire 626, suivent le Samsung Galaxy S7 Edge et le Samsung Galaxy S6 Edge, ensuite le Nexus 6P, ensuite le iPhone SE, le iPhone 6S et le iPhone 6S Plus. Côté main gauche, là, ça décline vraiment beaucoup, alors que côté main droite, ça reste relativement stable du haut au bas du tableau. Voilà. Donc, sachez-le, quand vous êtes en plein milieu d'une conversation et que vous changez de main et que vous voyez que le signal est moins fort, c'est pas juste dans votre tête, c'est aussi l'antenne matérielle. Selon une étude, une personne sur trois consulte son smartphone en pleine nuit. Une étude conduite par Deloitte indique que de nombreux utilisateurs de smartphones consultent leur appareil en pleine nuit. Il peut s'agir d'envoyer des emails professionnels ou de lire certaines notifications. Se lever pour consulter des informations, notifications ou tout simplement répondre à des courriels serait devenu une habitude chez certains. Selon une étude conduite par le cabinet Deloitte, des utilisateurs seraient coutumiers du fait, surtout chez les plus jeunes sondés. Le document indique que sur 4000 personnes interrogées, la catégorie la plus exposée à ces consultations nocturnes sont les utilisateurs âgés de 18 à 24 ans. La moitié d'entre eux sont enclins à prendre leur terminal, oui, en pleine nuit, pour certaines activités de loisirs, voire professionnelles. Au contraire, dans la catégorie des plus de 35 ans, ils ne sont que 14% à avoir cette pratique. La même étude précise que la première utilisation du smartphone est quasi simultanée avec le réveil. Pas moins de 52% des personnes interrogées indiquent qu'elles consultent leur téléphone environ 15 minutes après s'être levées. 86% y ont recours dans l'heure suivante réveil. Enfin, le cabinet ajoute que 58% des sondés regardent leur smartphone 30 minutes avant de se coucher. Pas du tout difficile à croire. On reste dans les téléphones cellulaires. Pourquoi est-ce que le clavier physique de BlackBerry n'est pas mort? Malgré l'annonce de l'entreprise canadienne, donc BlackBerry, anciennement RIM, on pourrait voir arriver de nouveaux appareils estampillés BlackBerry équipés de claviers physiques. La nouvelle était attendue, on en a parlé la semaine passée, elle a été confirmée donc le 28 septembre par BlackBerry. L'entreprise ne fabriquera plus de smartphones, mais ça ne veut pas dire que vous ne verrez plus de terminaux vendus sous cette marque en boutique. En Indonésie, une filiale du principal opérateur vient de signer un accord pour récupérer la licence BlackBerry. Elle pourra donc produire et vendre localement des smartphones estampillés de la célèbre mûre. Si le désormais ex-fabricant veut recentrer ses efforts sur la conception logicielle et la vente de services, il ne s'interdit rien concernant les marchés occidentaux. En réalité, cette nouvelle stratégie a été partiellement appliqué, on dirait que je porte un partiel. Au début de l'été, le D-Tech 50 avait été annoncé. En réalité, il s'agissait d'un Idol 4 modifié, issu d'un partenariat avec le chinois TCL, qui possède la marque Alcatel. La dernière annonce de smartphone conçue par BlackBerry remonte quand même à il y a un an avec le Priv. Selon les rumeurs autour du D-Tech 60, BlackBerry miserait sur un Idol 4S modifié. L'accord avec TCL pourrait donc être pérennisé pour les marchés européens et américains. Le partenariat avec l'opérateur indonésien ne laisse que très peu de marge de manœuvre aux Canadiens concernant la conception des appareils, mais BlackBerry devra approuver les nouveaux designs. On peut donc s'attendre à ce que le fabricant TCL ou autre, conçoivent un ou plusieurs modèles équipés de claviers physiques qui séduisent encore le monde professionnel. Malgré l'arrêt de la production du BlackBerry classique, pas basic, la page n'arrête pas de bouger, les pubs qui bougent, voyons. Les utilisateurs qui plébiscitent encore ce mode de saisie ne devraient pas rester orphelins, du moins tant qu'une demande significative existera. En revanche, il faudra certainement accepter de basculer vers un environnement Android. Ah, la nouvelle qui m'a surpris, et en même temps pas tellement parce qu'on est rendu en 2016, le jeu mobile Fruit Ninja va devenir un film. Après avoir sauté le pas de la réalité virtuelle cet été, le jeu mobile, oui, Fruit Ninja s'apprête à embrasser une nouvelle carrière, cette fois-ci sur le grand écran. Ah, remarquez donc, Angry Birds a bien été adapté en film, on sait, a réussi à générer plus de 300 millions de dollars au box-office. À partir de là, pourquoi Fruit Ninja ne pourrait pas faire la même chose? C'est d'ailleurs la destinée qui l'attend. Débarqué un beau jour de 2010 sur l'App Store d'Apple et alors uniquement destiné aux iPhone et iPod Touch, le titre de Half Brick Studios a depuis fait un sacré bout de chemin, nous dit Uber Gizmo. Ayant investi à peu près toutes les plateformes du marché, de Windows Phone à Bada en passant par Facebook et même par la PlayStation Vita, le jeu vient ainsi de voir ses droits sécurisés par New Line Cinemas, qui ambitionne de réaliser un film qui, d'après le Hollywood Reporter, nous invitera à suivre les aventures d'un groupe d'associaux recrutés pour devenir des Fruit Ninjas et sauver le monde. Quand même pas si mal comme idée. Les lunettes Elsewhere transforment les vidéos 2D de l'iPhone en 3D immersives. La réalité virtuelle a le potentiel de changer l'industrie du jeu vidéo et du loisir pour toujours, mais pour l'art, l'expérience reste encore très onéreuse. Il y a donc une place à prendre pour quiconque offre des appareils abordables. Elsewhere est une paire de lunettes couplée à une application iOS, un dispositif qui permet de transformer n'importe quelle vidéo classique en une expérience 3D immersive. Développé par le couple Wendelin et Azaraskin, Elsewhere ressemble assez à un Google Cardboard, mais contrairement à ce dernier qui convertit du contenu spécifique en un contenu de réalité virtuelle, Elsewhere parvient à transformer n'importe quelle vidéo 2D classique. Il suffit de placer l'iPhone dans le dispositif, de lancer la dite vidéo et de profiter en 3D immersive. Compatible avec les iPhone 6 et ultérieurs, Elsewhere est vendu 50$. Pour l'instant, l'appareil n'est compatible qu'avec iPhone et iOS, mais les développeurs annoncent une prise en charge d'Android pour bientôt. L'application offre deux modes, réalité virtuelle et la réalité augmentée. Maintenant, on reste dans les téléphones cellulaires. On va chez Samsung avec un nouveau smartphone haut de gamme à clapet. J'en parlais en introduction d'émission. Samsung n'a pas abandonné les smartphones à clapet et en prépare même un nouveau pour le mois prochain. Si vous pensez que les smartphones à clapet étaient de l'histoire ancienne, vous avez tort. Samsung continue d'en produire et va donner très prochainement un petit frère au SMW2016, sorti comme son nom l'indique. N'indique pas, en fait, du tout, à la fin de 2015. L'apparition de ce smartphone, connu pour l'instant sous le nom de code Veron sur le site de GFX Bench, permet d'en savoir plus sur sa fiche technique. Le Veron devrait être équipé d'un écran Full HD 1080p de 5,5 pouces. De précédentes rumeurs faisaient état d'un état de 4,2 pouces. Il serait animé par un processeur quadricœur Snapdragon 820 cadencé à 2,1 GHz, accompagné par 4 GB de mémoire vive. Il tournerait sous Android 6.0.1 au lieu de la toute dernière version Nougat. Ce smartphone offrirait 64 GB d'espace de stockage, disposerait de la fonction Always On Display qui permet d'afficher des informations à l'écran sans allumer l'appareil, ainsi que de deux capteurs photo de 12 et 5 mégapixels, des caractéristiques qui ne sont pas sans rappeler celles du Galaxy Note 7. Et évidemment, les animateurs de radio faciles diraient « J'espère qu'il n'exposera pas ». De précédentes rumeurs indiquaient aussi que le Veron serait équipé d'un lecteur d'empreintes digitales au dos de l'appareil et qu'il disposerait d'une batterie de 2000 mAh compatible Quick Charge 3.0. Pour le prix, certains croient savoir que le Veron sera proposé à 1498 américains. Wow! Mais pour l'instant, ça devrait sortir qu'en Chine et en fait même, je n'ai jamais débarqué ailleurs que la Chine. On va dans les véhicules maintenant, dans les voitures électriques. Et la Venturi VBB 3 bat le record du monde à plus de 549 km/h. Le constructeur monégasque Venturi Automobiles et l'Université d'État de l'Ohio ont explosé deux records de vitesse pour une voiture électrique en atteignant une moyenne de 549,4 km/h et une pointe de 576 km/h. Sur le lac Salé de Bonneville, dans l'Utah, la Venturi VBB 3, avec sa puissance de 3000 chevaux vapeur, c'est ça, CV, a battu le précédent record de 495 km/h qui datait de 2010. Récemment, donc, la Tesla SP100D s'enorgueillisait d'être la voiture de production la plus rapide du monde, avec une accélération de 0 à 100 km en 2,5 secondes, mais en vitesse maximale, elle est très très loin derrière la Venturi. Ce prototype de voiture électrique, qui ressemble d'ailleurs plus à une fusée sur roues, vient de s'adjuger deux records du monde de vitesse qui attendent encore d'être homologués par la Fédération internationale de l'automobile. Le premier avec une moyenne de 549,4 km/h et le second pour une pointe à 576 km/h. La Venturi VBB3 a été conçue par le constructeur monégasque Venturi Automobiles en collaboration avec le Center for Automotive Research de l'Université d'État de l'Ohio. Elle est propulsée par deux moteurs électriques et qui développent 3000 chevaux vapeur alimentés par une série de batterie lithium-ion, totalisant un peu plus de 2 mégawatts. La tentative s'est déroulée sur le lac Salé de Bonneville, dans l'Utah. La VBB3 a battu le record précédent. Dans le fond, tout a été dit dans l'introduction de l'article. Pourquoi est-ce que je lis l'article? Il n'y a absolument rien de nouveau, donc je vais arrêter là. Une vitesse que même peu de voitures à moteur thermique ont franchi, voilà. Je comprends qu'un lead est supposé résumer l'article, mais de là à tout dire. Ensuite, on va chez Uber, qui travaille sur un concept de drone taxi. Le service de véhicules de transport avec chauffeur Uber a révélé qu'il travaillait sur un projet de drone à décollage et atterrissage verticaux qui pourrait acheminer des passagers sur des trajets urbains courts. Étonnante, l'idée n'est pourtant pas nouvelle, nous dit Futura. D'ici une dizaine d'années de cela, lorsque vous dégainerez votre smartphone pour commander un Uber, celui-ci n'arrivera peut-être pas par la route, mais bien par les airs. Le service de véhicules de transport avec chauffeur, donc VTC, vient de dévoiler qu'il planchait sur l'idée d'un drone taxi autonome à décollage et atterrissage verticaux, un concept connu en français sous l'acronyme de ADAV pour aéronef à décollage et atterrissage verticaux, et en anglais sous celui de VTOL, VTOL pour Vertical Takeoff and Landing Aircraft. Dans un entretien avec le site Recode, Jeff Holden, un dirigeant de chez Uber, a indiqué que ce type d'appareil pourrait décoller depuis les toits des bâtiments pour effectuer des trajets interurbains et ainsi contribuer à réduire le trafic automobile lié aux migrations pendulaires. L'avantage de l'ADAV est qu'il combine la souplesse de l'hélicoptère pour le décollage et l'atterrissage tout en bénéficiant des ailes de l'avion qui lui permettent de voler plus silencieusement. Uber, qui teste déjà des voitures autonomes, estime qu'un tel service de drone taxi pourrait être opérationnel d'ici une décennie. Difficile à imaginer tant les obstacles techniques, légaux et les questions de sécurité qui se posent semblent nombreux. Pourtant, Uber n'est pas du tout le premier à envisager cette solution. Lors du Consumer Electronics Show en janvier dernier, la société chinoise Yihang avait fait sensation en présentant le Yihang 184, un drone autonome destiné au transport des personnes. Il s'agit d'un quadri-rotor capable d'emporter un passager et ses bagages à 100 km/h et de naviguer en totale autonomie durant 23 minutes. Sa commercialisation est prévue pour cette année et on sait que Larry Page, le cofondateur de Google, a investi 100 millions de dollars dans The Aero, une jeune pousse qui développe une voiture volante. Toujours dans les véhicules, un concept de drone aussi rapide qu'agile et précis, qui s'appelle le Flycat. Il existe aujourd'hui des drones aussi divers que variés. Il y en a pour toutes les bourses et tous les usages, de la simple prise de vue à l'espionnage pur, en passant par la puissance de feu ou la voltige. Le Flycat est un concept intéressant, offrant une conception lui permettant d'être rapide, agile et précis. Contrairement aux autres quadricoptères qui ont pour la plupart sacrifié la vitesse pour l'agilité, la création du designer Winyok Lan, Flycat embarque 4 petits rotors pour le décollage et l'atterrissage et un seul et gros moteur pour traverser les cieux. Ceci, en combinaison avec ses ailes façon biplan, le rend capable d'atteindre de grandes vitesses en conservant une impressionnante stabilité. Ajoutez-lui un système de chargement et ou de caméra et vous obtiendrez donc un drone capable d'accomplir bien des missions en un temps record. On reste dans les airs avec les ballons Loon de Google qui sont pilotés par l'intelligence artificielle. Toujours désireux de connecter la planète grâce à ses ballons stratosphériques, le géant américain a mis en place un système de navigation plus performant reposant sur de l'apprentissage automatique. Lancé en 2013 par le labo X de Google, le projet Loon vient peut-être de connaître une sacrée accélération. L'idée reste toujours de connecter les populations exclues d'Internet grâce à des ballons volant en permanence à 20 km du sol. Mais une nouvelle technique de navigation reposant sur des algorithmes d'apprentissage automatique, ce qu'on appelle le machine learning, va peut-être leur permettre de rester désormais beaucoup plus longtemps au-dessus des zones à couvrir. L'équipe du projet Loon vient en effet d'annoncer sur son compte Google Plus avoir réussi à faire voler un ballon durant 98 jours au-dessus du Pérou. Une première, donc. Lancé depuis Porto Rico, il s'est déplacé depuis 12 jours en transit le long des côtes puis a survolé le Pérou, exigeant des dizaines de réglages chaque jour pour trouver les bons vents, garantissant sa portée. Au total, 20 000 modifications ont été effectuées. Et ce n'est pas une mince affaire car la stratosphère est traversée d'un système permanent et complexe de vents très stratifiés, chaque strate possédant sa propre direction et vitesse. À cette altitude, les ballons ne peuvent donc rester stationnaires et ne se déplacent qu'en allant vers le haut ou vers le bas. Jusqu'à maintenant, Google utilisait des modèles météorologiques prédictifs et des algorithmes de prise de décision fondés sur différentes variables comme l'heure de la journée ou l'emplacement pour réussir à placer le ballon dans la strate allant dans la bonne direction, permettant de le faire avancer. Dans le cas du Pérou, l'équipe du projet Loon a fait appel à de l'intelligence artificielle. Depuis le début des tests, 17 millions de kilomètres ont été parcourus et des quantités gigantesques de données accumulées permettant de développer de nouveaux algorithmes d'apprentissage automatique, ce qui a considérablement amélioré le dispositif. Quand il n'était pas possible de trouver le bon vent, par exemple, le système de navigation a choisi d'envoyer le ballon à la dérive sur l'océan Pacifique pour bénéficier des vents d'est plutôt que de rester au-dessus de la Terre. La seconde étape, maintenant, va être de passer à l'apprentissage renforcé, apprend-on via Wired. Donc, les spécialistes mondiaux de cette méthode, ce sont justement les chercheurs de start-up DeepMind qui appartient à Google. C'est grâce à l'apprentissage renforcé consistant à faire jouer la machine contre elle-même que l'intelligence artificielle AlphaGo avait triomphé au jeu de Go. Avec triomphé contre le champion du jeu de Go, Lee Sedol, au mois de mars dernier à Séoul. Dans le cas des ballons Loons, il va s'agir d'analyser ce qui fonctionne ou pas à chaque prise de décision et ainsi continuer d'améliorer les prévisions. Au mois de juillet dernier, de passage sur le salon Viva Technology à Paris, le patron de DeepMind, Demis Hassabis, a déclaré que de nombreux domaines allant de la santé à la robotique pourraient bientôt profiter de ses recherches. Il semblerait que Google n'ait pas tardé à en tirer profit pour ses propres ballons, même si la collaboration de DeepMind au projet Loon n'a pas encore été annoncée. Ah, les Français écrivent tellement drôlement! Hein? Incroyable. Et ensuite, on va rester dans un article français, mais mieux écrit de la part de Futura. Google qui améliore son système de traduction instantanée grâce à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va le savoir dans quelques instants. Ici. Google qui fait état de progrès très importants pour son service de traduction instantanée grâce à l'adoption d'un réseau neuronal d'apprentissage profond. Comparé à son application actuelle Google Traduction, ce nouvel outil réduit le taux d'erreur jusqu'à 85% et serait presque impossible à distinguer de traduction humaine. Pour le moment, il est capable de traduire du chinois mandarin à l'anglais. La traduction instantanée est l'un des domaines dans lesquels l'intelligence artificielle est amenée à jouer un rôle majeur. C'est déjà le cas avec les applications pour smartphones et ordinateurs, notamment Skype Translator de Microsoft ou Google Translate, qui accomplissent des prouesses et nous permettent de consulter des sites Internet ou de dialoguer avec des personnes dans une langue étrangère. Mais d'importants progrès, notamment en matière d'apprentissage profond et de réseaux neuronaux, nous laissent entrevoir le jour pas si lointain où des machines polyglottes feront d'aussi bons interprètes que les humains. Google nous en donne un aperçu avec une nouvelle intelligence artificielle qui fait faire des progrès très significatif à son système de traduction instantanée. Baptisée Google Neural Machine Translation System, ou GNMT, elle est d'ores et déjà utilisée par l'application Google Traduction, Google Translate, pour passer du chinois mandarin à l'anglais, ce qui représenterait 18 millions de traductions quotidiennes. Selon le géant américain, son intelligence artificielle réduit de 55 à 85% le taux d'erreur par rapport à la version actuelle de l'algorithme de Google Traduction. La nouvelle méthode d'apprentissage profond qui est employée se nomme Long Short-Term Memory, donc LSTM. Elle fonctionne sur le modèle de la mémoire humaine en donnant à l'intelligence artificielle la capacité de retenir des informations à court et à long terme. Une fois arrivé à la fin d'une phrase qu'il analyse, le système est capable de se souvenir de son début, contrairement à moi. Et il prend en compte l'ensemble des mots, la phrase dans sa globalité et son contexte, ce qui donne un résultat beaucoup plus efficace au niveau du sens. Jusqu'à présent, Google utilisait une méthode appelée Phrase-Based Machine Translation, le PBMT, qui faisait de la traduction mot à mot. C'est pour ça que c'était aussi mauvais, tout le monde riait de ça. Les résultats étaient assez inégaux, voire parfois affreux, lorsqu'il s'agissait des langues asiatiques. C'est d'ailleurs pas un hasard si le nouveau système de traduction a commencé par le chinois. La technique LSTM n'est pas nouvelle, mais Google est parvenu à la faire fonctionner beaucoup plus vite, suffisamment pour qu'elle puisse être employée pour un service de traduction en ligne. En utilisant ses propres processeurs spécialement conçus pour l'intelligence artificielle et les réseaux neuronaux multicouches, selon Google, la même phrase traitée par la méthode LSTM qui prenait 10 secondes à traduire ne nécessite aujourd'hui que 300 millisecondes. Par ailleurs, les chercheurs ont trouvé le moyen d'optimiser la collaboration entre les différentes couches de réseau neuronal. Ainsi, alors qu'une couche est en train de faire des analyses, la suivante commence à travailler sans attendre que la première ait terminé. Google indique qu'il compte étendre l'usage de sa nouvelle intelligence artificielle à d'autres idiomes, d'autres langues prises en charge par Google Traduction dans les mois qui s'en viennent. On va retourner dans l'espace un petit peu. Je l'ai mis dans le bloc technologique parce que c'est Elon Musk et on parle souvent de voitures avec Elon Musk au lieu de le mettre dans Merci Science. Des fois, l'espace, je sais pas dans quelle chronique le mettre. Oui, un espace. Bref, selon Elon Musk et les voyages sur Mars, le risque de décès sera élevé. Ouais. Elon Musk a l'intention de coloniser Mars, comme vous l'avez certainement lu dans d'autres médias, mais c'est pas sans risque. Notre homme était donc à Guadalajara, au Mexique, pour parler de ses ambitions. Guadalajara! Autant dire qu'il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Je cite, « Je n'ai pas de prophétie apocalyptique immédiate. » Tels étaient ses premiers mots. Toutefois, inutile d'être astronome pour savoir qu'une telle mission n'est évidemment pas sans risque. D'ailleurs, l'intrépide de Musk ne le néglige pas et confirme que les risques de décès ne sont pas anodins et même élevés. Au moins, les participants seront informés et bien à eux de prendre le risque d'une telle aventure. Jules Verne lui-même n'aurait pas renié les ambitions de cet homme. L'on croirait voir une réincarnation en songeant à De la Terre à la Lune, le roman d'anticipation. Bien sûr, ici, nous parlerions plutôt de la Terre à Mars, nous dit Uber Gizmo. Rester sur Terre ad vitam aeternam n'était pas une possibilité pour Elon. Je cite, « L'alternative est de devenir une espèce multiplanétaire. » Que c'est donc le fond. Pas celui-là. Je vais en sortir quelques articles qui parlent de musique. J'ai pas envie de faire jouer des extraits. TPB Clean, le clone de Pirate Bay qui est garanti sans porno. Le développeur a répliqué le site de partage en expurgeant tous les contenus sexuellement affriolants, tant au niveau des torrents que des publicités. S'il se fait appeler Mr. Clean, oui, ce n'est pas pour rien. Ce développeur vient en effet de créer un clone du célèbre site de Pirate Bay en supprimant tous les contenus érotiques et pornographiques, que ce soit au niveau des torrents à télécharger ou des publicités affichées. M. Lee estime en effet que tous les utilisateurs de TPB ne souhaitent pas forcément être confrontés à ce type de contenu pour des raisons morales ou religieuses. Vous pourrez évidemment utiliser Adblock, là. Hein? Selon Turn Freak, cette idée lui est venue en rencontrant des développeurs indiens pour ses projets. Plus de la moitié d'entre eux ont refusé de collaborer avec lui car ils ne voulaient pas voir de chair dénudée. Quelques rapides tests montrent que TPB Clean a effectivement expurgé la quasi-totalité des contenus porno. Une recherche sur le mot-clé XXX. Ah, j'avoue que le contenu Torrent, c'est. J'avoue que les pubs, c'est pas la seule affaire. Hein. Donc, ça donne une page blanche quand tu tapes XXX sur TPB Clean, alors qu'on obtient plus de 2 millions de résultats sur TPB. On notera tout de même ce léger paradoxe en créant TPB Clean. Mr. Clean propose un site moralement irréprochable, mais dont le but principal reste quand même le piratage d'œuvres protégées, ce qui n'est pas vraiment moralement irréprochable. C'est une preuve de plus, nous dit 01net.com, que la morale est un concept à géométrie variable. En tout cas, il est peu probable que TPB Clean fera de l'ombre au TPB original. Selon Torrent Freak, le porno est l'un des titres de contenu les plus populaires et représente plus d'un tiers des téléchargements. Alors, parlons de jeux vidéo un tout petit peu. On va y aller avec l'âge de Mario. Pourquoi pas? On connaît maintenant l'âge, oui, de Mario dans les jeux de Mario. Oui, c'est vrai. Un article du Huffington Post. Donc, voyons, j'ai hâte de savoir. Est-ce que je fais une gageure? J'aurais dit mi-trentaine. Bon, donc la mascotte de Nintendo, Mario, a 24 ou 25 ans, tu vois. Je le pensais pas mal plus proche de moi. C'est une révélation pour le moins surprenante du créateur du personnage, Shigeru Miyamoto. Une entrevue en japonais avec le célèbre concepteur qui datait de 2005 a récemment été déterrée par Nintendo sur leur site web. D'après Miyamoto, l'âge de Mario est une des seules caractéristiques définies du personnage. Je cite, « Normalement, quand on crée un personnage, on connaît plein de détails sur sa vie, par exemple sa couleur préférée, la nourriture qu'il aime manger. Toutefois, quand nous avons créé Mario, la seule chose que nous avions décidé était qu'il avait entre 24 et 25 ans. » J'imagine que c'était à l'époque que le jeu est sorti, puis il a juste gardé son âge de 24-25 ans pour le reste de l'histoire. On sait aussi que Luigi est le petit frère du célèbre plombier. On sait pas par contre son âge exact, mais on sait que ce ne sont pas des frères jumeaux. Voilà. Et finalement, No Man's Sky est l'objet d'une enquête pour publicité trompeuse. Au Royaume-Uni, l'Advertising Standards Authority se penche actuellement sur la publicité entourant le jeu d'exploration spatiale No Man's Sky à la recherche d'éléments mensongers. L'organisme britannique responsable de l'intégrité de la publicité a confirmé au blog Eurogamer qu'elle étudiait le dossier de No Man's Sky après avoir reçu de multiples plaintes au sujet de la campagne promotionnelle entourant le jeu. Le manque de clarté concernant la présence de son mode multijoueur, ou plutôt son absence, ne semble pas être au cœur de l'enquête menée par l'ASA. En effet, le créateur du jeu, Sean Murray, s'est attiré les foudres de la communauté en affirmant de manière maladroite qu'un mode multijoueur, oui, était bel et bien présent au sein de No Man's Sky. L'enquête porte plutôt sur la page du jeu sur Steam, qui présente des captures d'écran et des vidéos perçues par des joueurs comme n'étant pas fidèles à l'expérience proposée par le produit final. C'est probablement des renders. Si l'ASA juge que Hello Games enfreint ses règles, l'organisme peut imposer comme sanction le retrait des éléments promotionnels fautifs de la toile. Comme le souligne Business Insider, il va de soi que la frénésie qui s'est manifestée autour de No Man's Sky, soit son dévoilement, a fait en sorte qu'aujourd'hui le jeu est certes injustement critiqué de la part de certains joueurs qui s'attendaient à quelque chose de plus ambitieux, de peut-être trop ambitieux de la part d'une petite équipe d'un studio indépendant avec un budget limité. Des jeux AAA produits par des studios plus importants ont pourtant déjà subi des changements aussi importants sans jamais avoir à composer avec une grogne aussi élevée. Allez voir les captures d'écran sur assemblagerequis.com et comparez ça avec une bande-annonce sur YouTube juste pour voir si vous trouvez que c'est juste comme plainte. On a terminé pour le segment CNX et malheureusement, par le fait même, on a terminé l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, oui! Toujours les mercredis entre 15h et 17h. On t'en rappelle les jeudis à midi et les mardis à 10h. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30 ainsi qu'au Palmarès C'est Fou les mardis de 14h à 17h. Consultez la programmation complète sur CIF.ca. Retrouvez les notes de l'émission, les balados diffusion sur assemblagerequis.com. De la part de Samuel Girard, de toute l'équipe utile du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, merci d'avoir été à l'écoute. Moi, c'est Mathieu Plante. Vous avez été planté. À la semaine prochaine. Bye bye!